Stephen King aime les tablettes tactiles, Stephen King aimerait manger des pancréas, Stephen King a écrit Fin de ronde et David E. Kelly l'a adapté. Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, salut. Hello. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que t'es prêt à parler de ce formidable livre et de cette formidable série? Ouais, il a menti pour l'un des deux, saurez-vous deviner lequel? Vous le découvrirez en nous écoutant la réponse dans une heure. La réponse va vous étonner. Il n'y a pas énormément d'actualité depuis la dernière fois liée à King, à part qu'il y a eu la bande-annonce de The Running Man par Edgar Wright, je crois qu'elle n'était pas encore sortie, et personnellement, non, je ne l'ai pas regardée, vu que je veux me conserver la surprise. Bah, j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air cool, voilà. D'accord, bon, je m'y attends un peu, hein, de toute façon, c'est vrai que j'en attends pas mal de celui-ci. Bah, principalement pour le réalisateur. Oui, c'est ça. Parce que je ne sais plus combien est classé Running Man en tant que roman chez nous, mais de mémoire, c'était plutôt aux alentours des mid, parce que c'est un bon roman, mais c'est pas non plus incroyable. Oui, après, ça reste un chouette roman et qui a surtout du potentiel, en fait, pense, en adaptation. Je suis en train de revérifier, il est 26e Running Man. Ah, je voyais un peu plus bas quand même. Je voyais vraiment aux alentours plutôt des 40, quelque chose comme ça. Ah oui, non, il est quand même plus haut que ça. Et l'adaptation actuelle est 25e. Mm. Parce que bon, les adaptations, c'est compliqué, donc même Running Man peut se faire une place. Oui, c'est vrai. On va dire ça, parce que c'est pas non plus le film du siècle. Faut pas se mentir. Non, clairement pas. Heureusement qu'il y a Schwarzy avec une moustache au début. Ouais, bon, pendant tout le film, heureusement qu'il y a Schwarzy, en fait. Hein, c'est vraiment le principal attrait du film. Mais donc, voilà, pas grand-chose de nouveau. Et donc, on va pouvoir se lancer, si ça te va, dans Fin de ronde. Alors, en réalité, le roman Fin de ronde, qu'on va spoiler comme d'habitude, et la série Monsieur Mercedes saison 2, puisque dans Monsieur Mercedes, ils ont inversé les deux derniers romans de la trilogie Bill Hodge. Donc, Fin de ronde correspond à la saison 2 et Carnet noir à la saison 3. On spoilera aussi la série quand on y arrivera, mais pour l'instant, c'est parti pour le roman. Dans Fin de ronde, Brady Hartsfield, le tueur qui s'était fait surnommer Monsieur Mercedes, après avoir passé un moment dans le coma suite au coup que lui a donné Holly, se réveille mais reste dans un état physique très faible. Par contre, il commence à développer des pouvoirs psychiques qui lui permettent de manipuler les gens, y compris à distance. Et Bill va commencer à enquêter, notamment sur un suicide d'une ancienne victime de Monsieur Mercedes qui n'était pas décédée. Et ça va lui faire se dire que peut-être Brady, en effet, est encore capable de faire beaucoup de mal. Le roman est annoncé par King lors d'une conférence en avril 2015, et à ce moment-là, le titre envisagé, c'était The Suicide Sprints, qui est une formule qui est utilisée plusieurs fois à propos de Brady dans le livre. Ouais. Le titre final, donc Fin de ronde, End of Watch en anglais, est annoncé environ 2 mois plus tard, et King tease le retour de Brady aux Edgar Awards 2015, où il reçoit le prix du meilleur roman pour Monsieur Mercedes, parce que donc Monsieur Mercedes sort en 2014, il reçoit l'Edgar Award en 2015, au moment où il finit Fin de ronde, qui sortira l'année suivante. Mm. Le roman est donc publié en fait le 7 juin 2016, parce qu'aux États-Unis, il y a en fait toujours plus ou moins un an de décalage entre la fin d'écriture du manuscrit final et la publication. Il reste 3 semaines à la première place de la liste des best-sellers du New York Times et 9 semaines sur la liste de manière générale. C'est un roman qui est diversement reçu, plutôt bien, mais qui n'est pas considéré comme étant un des classiques de King. On va dire que c'est plutôt un roman qui va se classer mid-tier, quelque chose comme ça, dans les classements que j'ai pu consulter. Ok. Sinon, contrairement à ce à quoi je m'attendais, j'ai pas trouvé énormément d'informations. Les interviews de King n'apportent pas beaucoup de nouveautés par rapport à ce qu'on avait pu lire de Monsieur Mercedes. Donc en fait, on va déjà pouvoir passer à nos avis. Ah oui, bah c'est rapide. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai vraiment pas grand-chose dessus. C'est marrant, ça. Ouais. Eh bien, écoute, Fin de ronde, ça aura été une découverte, du coup, je l'avais jamais lu avant l'émission, tout comme Carnet Noir, et Carnet Noir, on y reviendra avant, j'avais lu que Monsieur Mercedes, que j'avais dû relire pour les bienfaits de l'émission. Fin de ronde, c'est un roman plutôt cool, que je classerais personnellement, si je devais faire un classement de la série Bill Hodge, en seconde position. On perd le côté en fait découverte des personnages, découverte d'univers, on perd ce petit côté-là, du coup, qui fait que je trouve le roman un peu moins attachant. Mais non, sinon, c'est un roman très plaisant à lire, qui se lit, qui se dévore pas mal, qui se lit vraiment très très vite. Parce que l'écriture de King, surtout quand il fait du polar, du roman policier, du thriller comme ça, vraiment, c'est très appréciable à lire. Les personnages sont toujours aussi sympas, et leur développement... notamment le développement de Hodge jusqu'à la conclusion du roman, est plutôt touchante, je trouve. Voilà, pour mon premier avis rapide. Ouais, bah je suis assez d'accord. Le roman, moi, je l'avais déjà lu, pour le coup, j'avais lu tous les Bill Hodge et tous les Holly, donc je m'en souvenais comme d'un roman plutôt cool, notamment en effet au niveau du développement de Bill et des personnages principaux, pour ceux dont je ne l'ai pas précisé dans le roman, mais Bill a un cancer, apprend dès le début du roman qu'il a un cancer à un stade assez avancé du pancréas, et donc il est faible physiquement pendant tout le roman, et en réalité il poursuit Brady parce qu'il estime que c'est sa mission et parce que il pense, à juste titre, que la police ne suivrait pas du tout l'enquête, parce que c'est beaucoup trop improbable. Mais en réalité, il devrait plutôt se faire soigner s'il pensait à sa sécurité. Donc je trouve le personnage intéressant, ça provoque aussi des choses intéressantes chez ses amis, notamment chez Oli, mais aussi chez Jérôme, qui débarque plus tard dans le roman. Oui, qu'on revoit surtout pour Jérôme, parce que de mémoire, il est quasi absent de Carnet Noir. Oh, il y est quand même, hein. Peut-être moins, mais il y est. Moins, voilà. Après, Carnet Noir, il y a le fait que tous les personnages principaux apparaissent à genre mi-roman, donc ça aide pas. Oui, c'est vrai. Je trouve intéressant et finalement un peu osé d'avoir choisi une orientation quand même nettement fantastique. Ah puisque oui, Brady la développe des pouvoirs surnaturels complets, alors que les deux premiers sont des polars totalement terre à terre, oui. Alors, les pouvoirs de Brady apparaissent en conclusion de Carnet Noir, il me semble. Oui, parce qu'il devait déjà avoir l'idée, il devait même déjà avoir écrit une bonne partie de la première version à la publication de Carnet Noir. Mais c'est très discret, au final, dans Carnet Noir. Oui, ça sert à teaser, en fait. C'est ça, parce que c'est carrément dans l'épilogue de Carnet Noir où, on assiste à une toute petite scène où Brady est soigné... par l'une des infirmières, il y a un cadre photo qui tombe. Mais c'est écrit de manière à sous-entendre que c'est lui qui l'a fait tomber par sa pensée. Oui, voilà. Donc je trouve ça plutôt intéressant comme choix d'orientation. Et après, ça va rester ça un peu les romans qui mettent Holly en scène. Ça va aller entre des romans qui sont terre à terre, où c'est des tueurs parfaitement humains sans le moindre pouvoir, et des entités plus surnaturelles qu'elle doit affronter. Je trouve ça plutôt cool d'avoir, avec des mêmes personnages, les deux possibilités. Oui, effectivement. L'approche est originale. Ouais. Mais sinon, voilà, la progression est cool. Il y a plein de passages qui marchent bien. Quand le plan de Brady commence à s'emballer, je trouve qu'il y a des trucs qui fonctionnent très bien. Et il y a de bonnes idées d'écriture. Oui. Donc c'est un bon roman, même si, pareil, je le mettrais un peu en dessous de Monsieur Mercedes. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai bien aimé... c'est le fait que nous, en fait, on comprenne que Brady a des pouvoirs, mais vraiment au fur et à mesure, alors que lui, son plan, il est mis en marche depuis bien plus longtemps que nous, on ne s'en rend compte, finalement. Oui, effectivement. C'est vraiment montré de manière plutôt intelligente, je trouve. C'est écrit en partie par flashback, en fait, à la fin de chacune des trois premières parties. Il y a une dizaine de pages qui sont un flashback consacré à Brady depuis le moment où il commence à se réveiller. Mmh. Et ça permet de présenter la découverte de ses pouvoirs et le fait qu'en effet, son plan est assez tentaculaire déjà au moment où le roman commence. Parce que le roman, lui, se passe sur 2-3 jours en soi. C'est ça, en fait. Alors qu'en fait, lui, son plan et tout ce qu'il organise a lieu depuis déjà plusieurs jours. Ouais, même plusieurs années, vu qu'il s'est réveillé depuis un bon moment en soi. Oui. On peut revenir un peu plus progressivement sur tout ça. King a l'intelligence au début, je trouve, d'essayer d'orienter le lecteur vers une fausse piste, notamment avec la fameuse signature en Z, où on peut se dire, tiens, c'est un nouveau tueur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait un tueur qui voudrait peaufiner finalement le travail de Brady? Ce serait vraiment une question qu'on pourrait se poser au début du roman. Ouais. Parce qu'au début du roman, finalement, on est encore dans le doute sur est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs ou quoi. Parce que du coup, la survivante de l'attaque de Monsieur Mercedes à la foire à l'emploi, qui se suicide, laisse une lettre de suicide signée par un Z. Mais c'est une signature qu'on retrouve à d'autres endroits, notamment un endroit où on sait que quelqu'un espionnait cette fameuse survivante, et la personne qui espionnait a également gravé un petit Z dans le mur. Voilà, t'as plein de petits trucs comme ça qui semblent vouloir orienter le lecteur vers une fausse piste, et je trouve ça plutôt ingénieux. Ouais. Avant, vraiment, au tout début, il y a eu un prologue qui était centré sur des ambulanciers qui se rendaient sur le lieu du massacre de Monsieur Mercedes, et je trouvais ça bien aussi, à la fois pour faire un rappel des événements, et pour remettre vraiment bien au cœur l'horreur de ce qu'a fait Brady, l'horreur de l'attaque. Mmh. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en effet, oui, au début, on peut se demander quel est le lien entre Brady et ce nouveau tueur. Alors on se doute qu'il y en a un, ne serait-ce que parce que c'est une ancienne victime de Monsieur Mercedes, et parce qu'on a déjà des chapitres quand même centrés sur Brady. Mais en effet, on peut se demander exactement de quelle nature va être ce lien, ouais. Mm. Assez tôt, Holly trouve la tablette qui lui paraît un peu étrange chez Martin Stover, donc la victime qui se suicide. Le Zapit. Ouais, le Zapit. Un Zapit, c'est le nom de l'appareil, du coup. Ouais. Qui est, du coup, une sorte de tablette Android avec des petits jeux flash à la con. C'est comme ça qu'on le décrit, quoi. Ouais, c'est ça. Tel que le disent tous les personnages, c'est une tablette un peu nulle qui valait beaucoup trop cher pour ce que c'était. C'est vraiment vrai pour vous faire une idée. Pour vous faire une idée, c'est les simili consoles de jeux pour enfants avec plein de jeux un peu nazes dedans, quoi. Ouais, c'est ça, sauf que là, c'est à destination des adultes, visiblement, quoi. Oui. Et ce qui met Bill sur le coup, en fait, parce que Bill, techniquement, il n'a pas à être sur une affaire comme ça, mais là, je trouve que ça va être assez intelligent par la suite, c'est qu'il est appelé par son ancien collègue, qui lui est toujours flic, même s'il prépare sa retraite, Pete. Par Pete. Qui avait entendu parler du suicide de deux anciennes victimes de Monsieur Mercedes quelques mois plus tôt, alors qu'elle se remettait parfaitement de l'attaque, et donc il trouve étrange qu'il y ait déjà trois, et en réalité même quatre morts autour des anciennes victimes de Monsieur Mercedes, parce qu'en réalité Martin Stover était paraplégique, et c'est sa mère qui la tue, puis qui se suicide, dans ce qu'on suppose être un double suicide, plutôt qu'un meurtre suivi d'un suicide. Mmh, c'est ça. Mais donc ça interpelle Pete qu'il y ait autant de morts, et ça on verra, ça sera bien réutilisé je trouve par la suite. Et ça renforce vraiment ce côté très rapide de l'écriture de King plus particulièrement vraiment sur Fin de Ronde. Je trouve que Fin de Ronde est encore plus vif et rapide que ne l'était Monsieur Mercedes, parce que vraiment tous ces événements là qu'on vous dit, c'est dès les 50 premières pages quoi, même pas. Oui, il va vraiment vite, Fin de Ronde, ouais. Il n'y a pas d'installation ou quoi que ce soit de « tiens, regardez ce qui s'est passé avec les personnages entre-temps ». Non, non, ça s'ouvre, Hodge est en train d'attendre pour un rendez-vous médical, donc où on va apprendre qu'il a son cancer. Ouais. Et il en sort parce que Pete lui a passé le coup de fil qui dit ça, vraiment, c'est les 20 premières pages du roman, quoi. Ça va très très vite. Bah d'ailleurs, et ce rythme est soutenu tout le roman. Pete interrompt le rendez-vous médical et c'est que à la fin de la première partie que lui apprendra qu'il a un cancer, même si nous on a eu, sans que le mot cancer soit prononcé, on a eu un bref chapitre sur le docteur qui nous disait que ouais, clairement c'était grave. Ouais, parce que t'as le docteur qui se prend un peu la tête, il sait pas trop comment annoncer quelque chose à Hodge, alors que lui se barre en fait, il vient même. Il attend dans la salle de rendez-vous, parce que Pete ne l'interrompt pas, le rendez-vous n'a même pas encore commencé. Ouais. À ce moment-là. Et C'est puis là qu'il y avait. t'as aussi tous les micros bouts de chapitre où c'est justement les employés du cabinet médical qui essayent de contacter Hodge, mais de manière. On nous fait comprendre qu'ils sont pas aussi enjoués que d'habitude, quoi, quand ils Ouais. l'appellent ou voilà, quand ils veulent des nouvelles. Et du coup, tu comprends que c'est grave. Ouais. Un autre truc qui est installé dans cette première partie comme un gag, mais qui resservira, c'est le fait que Holly, pour plaisanter, a changé la sonnerie de portable de réception de SMS de Hodge Oui. pour mettre un truc très bruyant avec une vitre qui se brise à cause d'une balle de baseball, a priori. Oui, et quelqu'un qui hurle home run. Voilà. Donc c'est du baseball, bravo Issam, pour tes connaissances sportives. C'est parce que s'il y a une balle dans un truc américain, je pars du principe que c'est du baseball. Holly, d'ailleurs, elle, on a l'introduction aussi de plusieurs trucs. Alors déjà, toujours, elle évolue, elle s'ouvre de plus en plus au monde, elle commence à être de plus en plus à l'aise, Holly. Ça, c'est un Oui. truc de la trilogie Mercedes dans l'ensemble. Et il y a aussi sa rivalité avec Izzy, Isabella, la policière, qui est assez mise en avant dans ce tome-là. Donc Isabella qui est la nouvelle collègue de Pete. Ouais, qu'on voyait déjà dans les précédents, mais qui est un peu plus importante ici. Et qui est un personnage très intéressant, je trouve, parce que il est vraiment là, à mon sens, pour pointer du doigt toute cette stupidité de hiérarchie policière qui fait que on est prêt à faire un peu de magouille pour évoluer, quoi. Ouais. Ça, on le voit, c'est pointé du doigt plutôt tôt, mais c'est vraiment confirmé au fur et à mesure du roman, tous les moments où elle veut pas se mouiller, alors que clairement, il y a quelque chose qui tourne autour de Mercedes, quoi. Ouais, même si on peut pas non plus l'accuser de pas vouloir croire à l'argument surnaturel. Non, mais clairement, elle veut pas fouiller plus que ça, quoi. Ah oui, ça, très nettement. Y a tout le passage où Pete veut lui vraiment mener l'enquête sur les lieux et carrément elle le tèche, quoi. Ouais, Il est obligé de sortir pour appeler Hodge. ça pour le coup, c'est un truc, ça m'a resurpris en le lisant parce que Isabella, c'est un personnage qui revient dans les tomes suivants et qui change pas mal pour le coup. D'accord. Et je me rappelais plus qu'elle était aussi peu réceptive dans ce tome-là. Donc ouais, ça pose tous les personnages. Justement, afin de, je pense, pas trop charger le début en partie, Jérôme, lui, n'apparaîtra que plus tard. À ce Oui. stade du roman, en fait, il est parti dans un autre état. Il construit des maisons pour les démunis. Ah, il bosse. Il bosse dans les BTP. Ouais, voilà. Alors après, c'est plus un truc de bienfaisance. C'est plus une œuvre de charité, j'ai l'impression, que du Oui, BTP. pour faire simple, quoi. Il Oui, bosse dans la voilà. construction immobilière. Voilà, pour faire Ouais, simple. non, mais là, ça peut carrément être un gros industriel, si tu le dis comme ça. Ah oui, d'accord. Et donc, Bill va commencer à enquêter sur les Appites, parce qu'il fait plutôt confiance à Holly, et commencer à découvrir qu'il y a des trucs un peu étranges autour de cette compagnie-là. Que bah, notamment les Appites, c'est un truc qui a fermé depuis une plombe, que c'est une marque qui a pas marché du tout, que la boîte a fait faillite et que le stock a été éparpillé, qu'il y avait plein de copies défectueuses normalement. Oui. Donc que c'est un peu bizarre que quelqu'un ait donné comme ça une tablette à Martin Stover. Ouais. Au fur et à mesure de l'enquête, ils vont en fait découvrir que l'entreprise qui fabriquait les Zapit et l'entreprise qui sponsorisait le concert dans lequel a voulu commettre l'attentat à la bombe à la fin de Monsieur Mercedes, que Brady voulait tout faire péter, et que du coup l'entreprise, pour se faire pardonner de l'annulation du concert à cause de ça, a envoyé des appites aux personnes qui étaient présentes. Ouais, du moins c'est ce qui est prétendu. Voilà. Pendant ce temps, à l'hôpital, effectivement, on va commencer à découvrir de plus en plus les personnages autour de Brady. Déjà que Brady. Brady, il y a plein de rumeurs le concernant. Il y a Oui. plein d'infirmières qui disent qu'il a des pouvoirs et qui disent qu'il se porte beaucoup mieux que ce qu'il fait croire. Et notamment, on va suivre l'infirmière chef Scapelli, à qui Brady fait un doigt d'honneur, et du coup elle le torture pour se venger. C'est ça. Lui, l'ambiance n'est pas super dans cet hôpital, quand même. C'est vrai. C'est vrai. Mais lui, oui, au sein du service et au sein de tout l'hôpital, les gens voient plutôt ça comme une légende urbaine, finalement. Ouais. Il y a des rumeurs aussi sur le fait que le docteur Babineau, qui est le docteur responsable de Brady, testerait des drogues expérimentales sur lui. Mais à ce stade, on n'a pas encore totalement la confirmation de ça. Oui, parce qu'en plus, à ce stade, Babineau, on l'a quasiment pas trop vu encore. Ouais. Bah, en fait, on va commencer à le voir vers la fin de la première partie, quand il rendra visite à l'infirmière. Oui. Un autre personnage qui tourne autour dans l'hôpital, il y a Biblial. Ouais. Qui est un homme, tout simplement, qui distribue des bouquins aux patients. C'est le tour des services et qui distribue des bouquins aux patients. Et également, un zapit à un certain patient. N'est-ce pas ? Effectivement. Ah, vous l'avez deviné, à Brady. Et justement, là, vers la fin de la première partie, c'est là qu'on va commencer à comprendre les pouvoirs de Brady, puisque c'est là que le docteur Babineau, qui est sous une forme un peu d'hypnose, ce qu'on comprend avec le docteur Z, va aller chez l'infirmière Scapelli et va la forcer à regarder une tablette Zapit. Oui. Et donc, comment ça marche, le pouvoir de Brady à travers les tablettes ? La tablette, en fait, alors ça ne fonctionne que via un jeu qui s'appelle Fishing... Fishing Hole en VO. Je sais voilà. pas comment ils l'ont traduit. Fishing Hole, ils l'ont pas traduit. D'accord. De mémoire, pour moi, ils ne l'ont pas traduit. Qui est en fait un jeu où il faut cliquer sur des poissons qui apparaissent sur l'écran. Et certains poissons rapportent plus de points, voilà. Notamment les roses avec des chiffres, blablabla. Et il se trouve que la musique de l'écran titre, attention, que de l'écran titre du jeu, provoque une espèce d'hypnose chez les gens qui jouent. Et c'est via cette espèce de transe, sous hypnose, que Brady arrive à prendre possession de l'esprit des personnes qui se retrouvent en état de transe, du coup. Mais ouais. La première fois qu'il découvre ses pouvoirs, il me semble que c'est pas avec un zapit, c'est avec une infirmière qui regarde par la fenêtre, qui est éblouie par un rayon de lumière qui, de mémoire, rebondit sur une voiture, ça je suis plus trop sûr. Ouais, c'est bref. Ça. Et elle se retrouve dans une espèce de transe un peu comme ça, hypnotique, et Brady, à ce moment-là, arrive à rentrer... Là, c'est la première fois, donc il me semble que c'est vraiment une poignée de secondes ou quelques minutes, pas plus, à prendre possession de son esprit. Et c'est à ce moment-là que vraiment il découvre que, ah, le moment où Hodge, parce qu'il pense que c'est Hodge qui lui a défoncé la gueule, le moment où Hodge m'a explosé la gueule avec sa, avec sa chaussette, là, a peut-être fait quelque chose à mon esprit. Lui, c'est comme ça qu'il l'interprète au début. Ouais, c'est une crise d'épilepsie, je crois qu'elle fait l'infirmière en voyant, enfin, une crise d'épilepsie oui, partielle, exact. C'est... Exact, ça peut arriver à cause des lumières vives ou de ce genre de choses. Justement, chose. L'infirmière en chef lui demande si elle n'aurait pas oublié de prendre son traitement. Ouais. Donc, mais exact, en effet, finalement... ça, on l'apprend dans le premier flashback, parce que c'est quelque chose qui s'est passé des années plus tôt, en réalité. Voilà. Mais donc, ouais, le premier flashback va justement servir à nous présenter comment Brady s'est rendu compte qu'il avait ses pouvoirs, mais ça ne traite pas encore de comment il a appris à les utiliser via la tablette, donc voilà, comment il ça. En est passé à l'état... d'être capable de manipuler les gens à distance en les poussant au suicide, parce que c'est ce qu'il va faire avec l'infirmière chef Scapelli. Mmh. En fait, il va prendre possession de son esprit et il va commencer à semer... Là, je trouve l'image assez jolie. Il dit qu'il sème en fait des poissons empoisonnés dans l'esprit des gens qui, oui. En gros, renforcent leurs pires pensées et les rendent beaucoup plus sombres encore pour les amener au suicide. Oui, c'est vrai que c'est une jolie... C'est une jolie image, et à l'inverse du coup, qui est une jolie image mais plus dégueulasse, les gens quand ils se réveillent, ils ont l'impression comme si une limace avait laissé une bave poisseuse dans leur esprit. Ouais, effectivement. Du coup, pour décrire le passage de Brady dans l'esprit des gens. Parce que c'est aussi quelque chose qui est mentionné, à chaque fois qu'il passe dans l'esprit des gens, c'est comme si il leur bouffait un peu de leur âme finalement. Ça se reconstruit au fur et à mesure. Mais au moment où il en sort, c'est comme si on leur avait bouffé un peu de leur être. Ouais, ça pose problème avec les gens qu'il va utiliser régulièrement parce qu'ils n'ont pas le temps de se reconstruire, justement. C'est ça, notamment Biblial et le docteur Babineau. Ouais. Et ce qui va confirmer à Bill que définitivement il y a un rapport avec Brady Hartsfield, c'est une erreur de Brady qu'il reconnaît, il le naîtra comme une erreur plus tard, parce que Brady est très présomptueux. Parce qu'il va faire envoyer à Biblial, sous le nom Z-Boy, un message sur le parapluie bleu de Debbie, qui était le fameux site internet déjà utilisé par Monsieur Mercedes dans le roman éponyme. en disant qu'il n'en a pas fini avec lui. Ouais. Ce qui est totalement con, il est vrai. Oui, mais ça correspond bien à Brady qui est très très présomptueux et tellement confiant dans sa propre puissance qu'il a tendance à faire ce genre de truc. Finalement, dans Monsieur Mercedes, contacter Bill comme ça, c'était déjà une énorme connerie. Oui, c'est clair. En fait, il refait les mêmes erreurs que dans la première, dans le premier roman. Oui, voilà. Et donc, on passe à la deuxième partie. Comment elle s'appelle en VF, la deuxième partie? Le titre VO, c'est Blackish. Parce que si ça s'appelle Blackish, c'est par rapport à la référence de la série télé. C'est une série télé, Blackish? C'est une série télé qui, en France aussi, s'appelle Blackish. D'accord. Donc, déjà, Bill va essayer de mentir à Holly sur son état de santé, parce que lui, c'est bon, il sait qu'il devrait se faire hospitaliser tout de suite. Mais ça va pas durer longtemps, pour le coup, ça, parce que Holly va assez vite se rendre compte de la vérité. Ah oui, parce que contrairement à la Holly de la série télé, elle est pas conne, celle-là. Oui. Oh, pardon. Bah, elle se soucie vraiment de Bill, c'est vrai qu'elle est plutôt... plutôt intelligente, plutôt observatrice. Et je trouve intéressant, justement, de très vite désamorcer la tendance de Bill à travailler en solo avec absolument tous les personnages qui sont autour de lui et qui veulent enquêter avec lui. Oui, c'est très bien écrit dans le roman. Ce qui, encore une fois, effectivement, est assez en contraste avec la série, mais bon. Mm. Et là, dans les trucs d'écriture que je trouve vachement intéressant, c'est que l'arrivée de Barbara, donc Barbara Robinson, la sœur de Jérôme, dans le roman, est très très brutale. Oui. Elle est là, elle est directement dans un quartier où elle va jamais, donc un quartier plutôt pauvre de la ville, et à population très majoritairement noire. Et dès qu'elle est là, elle a sa culpabilité étrange autour du fait que elle, ses parents sont riches, donc elle se sent un peu comme une traîtresse aux autres pour avoir vécu dans le luxe et pour jamais s'être soucié en fait du reste de la population afro-américaine des États-Unis qui vit dans des situations plus compliquées. Mais en fait, dès sa première apparition, on va tout de suite avoir l'idée qu'elle est suicidaire et qu'elle va tenter de se jeter sous un camion. Enfin, c'est bien géré à ce niveau-là le fait que ça arrive très brutalement. C'est ça. Alors que, ça arrive très brutalement pour nous lecteurs, alors que du coup Brady, lui, a eu largement le temps de lui pourrir l'esprit avec ses poissons empoisonnés. Ouais, mais c'est là justement qu'on commence à se rendre compte que le plan de Brady a peut-être commencé depuis bien plus tôt qu'on ne le croyait. Oui. Et il va y avoir toute une tension assez bien gérée, parce qu'on va apprendre, entre le moment où elle se fait percuter par un camion et le moment où on apprend qu'en fait c'est pas grave, qu'elle a juste une jambe cassée parce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à la pousser au dernier moment. En termes de pages. Il se passe pas mal de temps, ouais. C'est ça, et c'est très bien mené. Vraiment, jusqu'à ce que tu comprennes que finalement, il n'y a rien de vraiment grave, t'es persuadé que il s'est passé quelque chose de grave. Oui, voilà. D'autant que c'est clairement un personnage auquel t'as pu t'attacher, Barbara, dans les deux premiers romans. Ah oui. Là, effectivement, c'est quelque chose qui marche si t'as lu les deux premiers tomes, parce que si tu attaques directement par fin de ronde, t'as juste une adolescente random qui débarque dans ton roman, ça marche peut-être moins bien. Mais... Oui, parce que dans Monsieur Mercedes, elle est toute gamine, quoi. Elle a quoi? Elle doit avoir 10-11 ans dans Monsieur Mercedes. Ouais, vu que je crois qu'il y a 6 ans entre Monsieur Mercedes et fin de ronde, et que là, elle a 17 ans, donc oui, c'est ça. Oui, donc elle serait même encore plus jeune dans Monsieur Mercedes, du coup, elle aurait même pas 10 ans. Elle a la dizaine, je crois. C'est mentionné parce qu'elle va au concert à la fin de Around Here. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une des deux raisons pour lesquelles Brady se réattaque à elle. C'est d'une part parce que c'est la sœur de Jérôme et que Jérôme, il avait eu le temps de le voir. Et d'autre part, parce qu'elle était au concert et qu'il veut se venger sur toutes les victimes du concert. Voilà. Pas se venger, compléter son œuvre. Oui, voilà, compléter son œuvre, effectivement. Mais oui, c'est vraiment très bien mené, quoi. Ouais. Et c'est pareil, t'as aussi ce... nous, on sait que c'est pas quelqu'un qui l'a poussé, mais t'as aussi ce moment où tous les personnages pensent qu'en fait, c'est un jeune de ce quartier-là qui l'a poussé sous un camion, alors que pas du tout, quoi. Ouais, ce qui confirme un peu le propos sur le fait que, effectivement, c'est quand même une population défavorisée, une population qui a tendance à s'en prendre plein la gueule dès qu'elle est ne serait-ce que soupçonnée d'un truc, parce que le gars, il est arrêté, alors que a priori, il y a plein de témoins du fait qu'il a plutôt aidé Barbara. C'est ça. C'est une critique sociétale très bienvenue de la part de Monsieur King, effectivement. Qui est discrète, mais qui est, je trouve intéressant qu'elle soit présente. Oui, tout à fait. Pendant ce temps, Bill, lui, bah, il est de toute façon déjà à l'hôpital parce qu'il poursuit son enquête et il apprend notamment Enfin, il apprend que c'est un peu le chaos au niveau de l'hôpital. Oui. Mais là, il y a clairement de l'obstruction qui se fait à son enquête. Babino s'oppose à ce qu'il pousse ses recherches trop loin. Mmh. Oui. En même temps, il n'a pas trop envie de... Lui n'a pas trop envie que le monde se rende compte que bah, il fait des expériences bizarres. Mais en même temps, vu que Brady le possède, Brady fait aussi en sorte que les gens s'approchent pas trop de sa chambre, quoi. Enfin, les gens qui pourraient nuire à son plan, quoi. Oui, c'est ça. Je pense même que c'est surtout Brady qui le manipule, même s'il n'a pas forcément besoin d'intervenir beaucoup, étant donné qu'on le découvrira plus tard, mais il a bien réussi à piéger le docteur Babino. Ouais, totalement. Et comment son petit pseudo, déjà, à Babino ? C'est le Dr. Z. Dr. Z, tout simplement. Ouais. C'est Dr. Z et Z-Boy. Et Z-Boy, c'est Bibli Hall. Ouais. Ce qui fait, en effet, il y a des personnages qui vont le signaler, ce qui fait en effet très comics comme surnom. Oui. Totalement. Et donc, c'est ça qui va aussi provoquer le retour de Jérôme. De Jérôme. Parce que bah, il veut quand même voir sa sœur. Et surtout, en plus d'avoir appris... il apprend que sa sœur a eu un accident, mais que c'est pas plus grave que ça. Mais que bah, c'est quand même a priori une tentative de suicide, donc ça l'inquiète. Et en plus, Holly l'appelle paniqué pour lui dire que Bill, lui, va vraiment très mal. Oui, c'est ça. Donc c'est la combinaison des deux qui le fait revenir. Là, on a vraiment beaucoup de passages plutôt touchants. T'as donc... ces conversations entre Holly et Jérôme sur l'état de santé de Bill, mais t'as aussi un passage plutôt long avec Holly qui se rend au chevet de Barbara et il y a une discussion justement sur le mal-être, ce qu'on peut ressentir en étant quand on se ressent différent par rapport aux autres. C'est vraiment très bien écrit. Oui, elle est très belle cette scène. Oui, on savait déjà avant que Holly avait eu des pensées suicidaires et a priori avait fait des tentatives de suicide, mais c'est vrai que c'est là que c'est vraiment le plus développé. Et ça renforce la relation entre Holly et Barbara, qui pareil sera un truc assez récurrent des livres suivants centrés sur Holly. Jérôme restera important, mais Barbara va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure. D'accord, ok. Et c'est un chouette perso, je trouve. Donc oui, ça ramène Jérôme, et tous ces événements-là amènent du coup autre chose. C'est la compréhension par Holly de pourquoi les Zapites ont été envoyés. Pourquoi tous ces gens ont des appits. C'est là qu'elle va mener son enquête avec son talent d'informaticienne à farfouiller partout sur Internet. Ouais. Pour voir que, potentiellement, les appits auraient été envoyés parce que ça serait eux qui auraient produit le concert des Randhir. Mais que finalement, non. C'est ce que mène son enquête. Finalement, non, cette entreprise... Alors, j'ai oublié le nom de l'entreprise qui fabrique les Zapites. N'a rien à voir avec les Randhir. À aucun moment, ils ont participé à ça. Et c'est là où, du coup, il y a quelque chose de bizarre. Ouais, parce que Barbara va justement dire que la tablette lui a été donnée par un mec dans un centre commercial. Enfin, c'est là qu'elles vont commencer à sentir et qu'il y a d'autres de ses amis qui en ont une. Donc, effectivement, ça commence à sentir drôlement mauvais, toute cette histoire. On a aussi là le deuxième flashback, parce qu'on arrive à la fin de la deuxième partie, qui nous dévoile comment Brady déjà a réussi à pousser Sadie, donc l'infirmière épileptique, au suicide. Mm. Ce qui montre bien qu'il joue, c'est Brady, donc il joue sur les pires choses, sur les pires choses possibles. Et qu'après, il arrive vraiment à comprendre le pouvoir de la tablette quand Hal lui en apporte une. Et quand il comprend via Hal, en fait, qu'il y a un pouvoir hypnotique dans l'écran de veille du jeu Fishing Call. Ouais. Il va quand même avoir l'idée, même si on ne sait pas encore comment il le fait, mais il va avoir l'idée de modifier cet écran de veille pour rendre le pouvoir hypnotique encore plus fort. Et surtout, le problème, c'est que c'est un écran de veille. Donc, a priori, les gens y restent pas, normalement. Donc, il faut qu'il trouve un moyen de faire en sorte que les gens restent sur l'écran de veille pour pouvoir les manipuler. C'est ça. Et donc, on arrive à la troisième partie qui s'appelle badconcert.com, où Bill va rencontrer déjà une amie de Barbara, qui a aussi reçu un zapit, et c'est là qu'il va en récupérer un. Et il va découvrir le pouvoir hypnotique, enfin il va en être victime, mais il va être victime de la version soft du pouvoir ouais. hypnotique. À savoir la version, bah, la version normale, en fait, celle qui est sur la tablette de base. Oui, parce que le pouvoir hypnotique n'a pas été créé par Brady ou quoi, ça a toujours eu lieu. Le concepteur du zapit s'en est rendu compte et a justement essayé de faire en sorte que ça le soit moins. Alors, je crois qu'en réalité, c'était un vieux jeu d'as, c'était déjà sur une version arcade du truc, et que le concepteur du Zapit, justement, l'a collé comme un gros sac, en ayant rien à faire, et que c'est une partie des raisons pour lesquelles il y a eu un procès qui a fait couler la compagnie. Ah, j'avais oublié ce détail. Et Brady va le renforcer encore, mais non, les concepteurs des Zapit, c'est vraiment la compagnie de merde, c'est probablement un truc qui appartenait à Elon Musk. Hein. Et assez tôt dans cette troisième partie, on va avoir un autre personnage qui va pas nous être introduit parce qu'on le voyait déjà dans le premier tome, mais qui va apparaître alors qu'on s'y attendait pas beaucoup, vraiment, c'est ouais. Freddy Linklater. Oui, Freddy, l'ancienne collègue de Brady lorsqu'il bossait dans l'entreprise d'électronique, quoi. Ouais, c'est ça. OSAV, alors que eux deux étaient OSAV. Ouais. Avec qui il s'entendait plutôt bien, du moins avant de devenir un tueur. Oui, voilà. Et qui, là, semble avoir été embarqué dans des trucs avec le Dr. Z. Elle semble complètement se douter que c'est Brady derrière tout ça, mais elle sait pas trop comment s'en sortir, et elle essaie de se dire que c'est pas trop grave et qu'elle va pouvoir se barrer. C'est ça. Ce qui ne va pas très bien tourner pour elle. Non, effectivement. C'est un personnage déjà qui est totalement perdu. Hein. Après les événements vécus dans le premier roman, déjà, elle est totalement perdue dans tous les sens du terme. Ouais. Et ce, alors qu'elle est moins impliquée dans la version roman que dans la première saison de Monsieur Mercedes. Parce que dans le roman, finalement, c'est une collègue de Brady, mais elle n'est pas plus impliquée que ça dans le final. Hein. C'est ça. Bah, Brady n'essaye même pas de la tuer, contrairement à son homologue de la série télé. Ouais, c'est ça. Par exemple, c'est jusque-là, elle est traumatisée finalement d'avoir été en contact direct avec un aussi horrible tueur de masse, quoi. Oui, c'est ça. Alors, ce qui peut se comprendre quand même. Ouais, effectivement, surtout que c'était à peu près son seul ami, a priori, donc voilà. On peut comprendre que ce soit un peu dur à vivre, en effet. Et donc, c'est elle qui va mettre en œuvre, sous les ordres d'Ambardi, la création d'un certain site internet. Ouais. N'est-ce pas ? Un site internet qui... alors, elle met en place le site internet qui est censé pousser les gens au suicide, et c'est elle aussi qui met en place un système informatique qui permet, une fois activé, d'installer les modifications sur les zapits sur les qui zapits. Ont été distribués pour faire fonctionner à plein régime le pouvoir hypnotique de l'écran d'accueil. C'est ça, parce que là, c'est pas une nouveauté de ce roman, c'est des Monsieur Mercedes, c'est une petite génie de l'informatique. Ouais. Bah, là, c'est surtout aussi qu'elle recopie le code de Brady, a priori. Mais effectivement, c'est une très bonne informaticienne, normalement. Et tout aussi talentueux qu'elle, si ce n'est plus. Ouais. Il y a aussi, dès le début, le fait que Brady abandonne le corps de Hal parce qu'il l'a trop utilisé, justement. Donc, quand il utilise trop un corps, au final, celui-ci s'abîme, devient inutilisable, l'esprit devient inutilisable. Pour prendre le contrôle complet de Babino en tuant sa femme, Cora Babino, qui est donc un personnage extrêmement secondaire dans le roman et qui sera très différent et très important dans la série, pour le coup, Cora Babino. Ouais. C'est pour ça que je la mentionne. Oui, c'est vrai que c'est un très très court passage dans le roman. Oui, elle apparaît genre 2 pages avant de mourir dans le roman. C'est très court, ouais. C'est ça. Il y a aussi tout ce passage dans cette partie-là, il me semble que c'est dans cette partie-là, où Jérôme, lui aussi, subit un début d'hypnose du Zapit. Oui, alors lui, il le subit plus fort, justement, parce que lui, ça a été activé cette fois-ci, la modification, quand il l'a subi. Et c'est justement ce qui surprend Bill, qu'il y ait un tel décalage entre ce qu'il avait subi lui, qui est un pouvoir hypnotique basique, et ce que subit Jérôme. Voilà, parce que du coup, le Zapit, qui avait reçu l'ami de Barbara, Hodge le récupère, le ramène à son cabinet de détective, et la petite troupe se met à enquêter dessus et à le manipuler. elle, Holly, elle, fait ses recherches sur Internet. C'est là qu'elle va découvrir que, finalement, les créateurs du Zapit n'ont rien à voir avec la tournée des Rondhir. Il me semble que c'est à ce moment-là, vraiment, qu'elle le découvre. Ouais. Et pendant ce temps-là, lui, Jérôme, fait des... Bah, lance divers jeux et bah, subit l'hypnose des Fishing Hall. C'est plutôt intéressant et plutôt bien écrit aussi que, alors que bah, ils sont dans une situation grave, à savoir, ils commencent à se douter que Brady peut faire beaucoup de dégâts, que... Il y a peut-être des trucs pas tout à fait naturels derrière tout ça, alors que Bill est très malade, ils sont quand même heureux de se retrouver, de recommencer à travailler ensemble, oui. De reformer un peu leur dynamique, et je trouve ça bien écrit, ce mélange de quelque chose d'un peu d'urgence et de peur, et en même temps, bah, cette amitié qui se reforme. Oui, il y a toute cette joie, oui, effectivement, qui entoure toute leur retrouvaille. Ouais. Les premières personnes, là, vont commencer... à se connecter à la tablette et donc à Brady via l'application. Et Brady, lui, va utiliser aussi Babino pour aller tuer son propre corps à l'hôpital. Ouais. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout vu dire. Ouais, effectivement, c'est très bien mené. Et c'est une bonne idée bah, pour détourner l'attention sur autre chose, pour qu'on puisse pas du tout le lier à lui. Et pour montrer bah, que Brady, il veut passer à autre chose, quoi. Il veut plus de son corps qui marche plus comme il faut, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc oui, il prend totalement le contrôle du corps de Babino, mais en gardant à l'esprit que bah, le corps de Babino, c'est quand même de la merde. Et puis en restant dedans, il le pourrit lui-même, donc il va falloir sauter de corps en corps continuellement. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est un vieux de 65 ans, quoi, Babino. Mais j'aime bien ce côté... Quoi qu'il arrive, il faudra quand même changer de corps, mais perpétuellement, et ça renforce le côté parasite de Brady. Oui, effectivement, l'idée est bonne et amène une bonne inquiétude sur comment il pourrait faire. Est-ce qu'il pourrait être dans plusieurs corps à la fois s'il développe assez ses pouvoirs? Enfin, ça peut poser des questions intéressantes. Mmh, tout à fait. C'est un truc récurrent en soi chez King, quand même, l'idée de pouvoir prendre le contrôle des corps des autres, parce que c'était quand même un truc central aussi de Dreamcatcher, pour mentionner un autre grand roman. Tout à fait. Et du coup, ça renforce quelque chose d'autre. C'est que Brady, son petit nom, c'est le prince du suicide. Et du coup, c'est comme si le prince du suicide se suicidait lui-même. Et oui. C'est plutôt une jolie image, finalement. Oui, effectivement, ouais. Ce qui est répété plusieurs fois, qu'il est fasciné, y compris par son propre suicide. Par l'idée de son propre suicide, ouais. Et du coup, ça... Et tu vois un petit peu cette manière maligne de te faire embrayer sur la conclusion de cette partie qui s'appelle le prince du suicide. Ouais. Est-ce que c'est pas beau, ça, finalement ? C'est bien mené, ouais. Je me demande si on peut se faire faire des cartes de visite prince du suicide avec un numéro pro. Faudrait que je me renseigne. Et donc... Bizarre quand même. Et donc oui, bah, un nouveau flashback qui là montre comment il a pris contact avec Freddy et comment il a réussi à amener le docteur Babino dans son plan. Et pareil, la manière dont il amène Babino dans son plan, je trouve ça intéressant parce qu'en prenant le contrôle de son corps par petites touches, en fait, il le pousse à faire plein d'erreurs, plein de trucs en fait, qui pourraient le faire condamner, lui valoir beaucoup d'ennuis professionnels, voire avec la justice. Ouais. Et donc, gagne le contrôle de Babino sans forcément avoir à être toujours activement dans son corps pour économiser l'énergie, justement. Je trouve ça plutôt intelligent comme manière de... Ouais, tout à fait. Et c'est là qu'on apprend un autre truc que je trouve intéressant et qui renvoie au début du bouquin, c'est que ce qui va donner l'idée vraiment à Brady de reprendre comme victime les anciennes victimes de Monsieur Mercedes, voire les victimes du concert, c'est le suicide du couple de ces victimes qui étaient ensemble et dont parlait Pete au début du roman et qui avait poussé Pete à contacter Bill quand Martin Stover s'était suicidé. En fait, ce premier double suicide n'était pas du tout du fait de Brady. Enfin, du moins, c'est lui qui les avait percutés en étant Monsieur Mercedes, mais leur suicide des années plus tard n'était pas dû à Brady. Et je trouve ça intéressant que cet événement, ce soit à la fois ce qui donne l'idée de son plan à Brady et ce qui pousse Pete à mettre Bill sur le coup quand il soupçonne que c'est peut-être pas un hasard, alors que bah, pour le coup, si, plus ou moins. Si, pour le coup, oui, c'est totalement un hasard. Ouais. C'est vrai que c'est bien vu. J'aime bien l'ironie dramatique qu'il y a là-dedans. Brady a tenté de tuer Freddy ? Oui, effectivement, ouais. C'est à la fin de la partie, de cette partie-là, ouais. Il me semble. On croit même qu'il a réussi à la fin de cette partie-là. C'est dans la partie suivante qu'on se rendra compte que ça n'a pas marché. Il essaye de la tuer avec monsieur, dans le corps de Dr Babineau en lui tirant dessus. Ouais. Parce qu'elle, du coup, elle a fait son œuvre, elle a créé le site, elle a tout fait, il n'a plus besoin d'elle, quoi. Oui, et même, peut être plutôt gênante. Elle peut être plutôt gênante vu qu'elle a compris. Oui. Et donc, justement, on attaque la quatrième et dernière partie du roman. Tête et peau, en français. D'accord, c'est une traduction littérale de Heads and Skin, le titre. Oui, parce que c'est le nom d'un trophée de chasse, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est indiqué, il y a un petit astérix. Tu veux, je te lis le petit astérix. En anglais, Head and Skin, entre parenthèses, trophée de chasse. C'est également le nom des éléments modifiables des personnages du jeu vidéo Borderlands. Voilà, je ne sais pas pourquoi il précise ça. Je ne sais pas si c'est voulu. Je ne sais pas. Je t'avouerais que j'imagine mal King être très calé sur Borderlands. Et... bah voilà, c'est ça. C'est pour ça que l'explication m'a laissé un peu aussi. Hein, pourquoi ils mettent ça? Peut-être que la traductrice est... parce que j'imagine que c'est Nadine Gassier qui l'a traduit celui-là. Peut-être qu'elle est fan de Borderlands et qu'elle voulait en profiter. C'est Nadine Gassier, oui, effectivement. Ouais. Et du coup, ça s'appelle comme ça parce que Brady va se réfugier dans une cabane, un chalet de chasse en fait qui appartient au docteur Babineau. En gros, où il va chasser hors saison et coucher avec tout ce qui bouge, avec ses potes, quoi. Enfin, des trucs de docteur. Oui. Et donc, Freddy, effectivement, se réveille blessé. Et elle va se douter qu'elle peut peut-être pas faire grand-chose, mais elle va quand même tenter de fermer le site internet. Oui, elle va essayer, effectivement. Mais ça n'a pas marché parce que Brady l'a protégé et lui a fermé l'accès. Ah oui, ça serait pas drôle. Sinon. Oui, voilà, c'est ça. Et il va même pouvoir la menacer pour lui dire « Si tu recommences, les gens que j'ai laissés autour de chez toi vont pouvoir te tuer. » Oui, il lui balance des gros bobards. Ouais. C'est un peu après que Holly et Hodge débarquent chez Freddy. Oui, parce qu'en parallèle, en fait, on a Freddy qui se réveille et Bill et les autres qui enquêtent sur Brady pour voir avec qui il aurait pu s'associer et qui justement retrouve le lien de Freddy qui lui avait rendu visite régulièrement à l'hôpital. Voilà. Donc il la retrouve en mauvais état, bien entendu, hein, il la sauve. Et finalement, elle va les aider à essayer de tout faire arrêter. Ouais. Alors ce qu'elle va faire principalement, c'est leur donner des informations. Elle va pas beaucoup plus intervenir que ça, Freddy. Mais... c'est ça, déjà, elle va tout leur avouer, comme quoi c'est elle qui a créé le site, le but du bordel et tout ça, quoi. Et à partir de ce moment-là, on a un décompte. Un compte qui commence à nous être donné régulièrement, c'est le nombre de personnes qui se connectent au site. Oui, c'est donné régulièrement. On sait qu'il y a grosso modo potentiellement 500 tablettes en état de fonctionner, donc qui pourraient manipuler 500 personnes. Voilà, et c'est un chiffre qui augmente jusqu'à la conclusion du roman. Ouais. Et on va avoir des chapitres qui vont se centrer sur Brady qui pousse des ados surtout au suicide. Il y en avait déjà eu un à la fin du chapitre de la partie 3, mais qui ratait parce que elle survivait à sa tentative de suicide et la chute qu'elle faisait coupait le lien. Et elle avait cassé sa tablette avant. Mais on va avoir plusieurs petits chapitres comme ça sur Brady qui réussit à mener des gens au suicide et qui donc développe une épidémie suicidaire à travers la ville. C'est ça. Et tous ces chapitres-là sont vraiment bien écrits. Oui. Et plutôt glaçant. Ouais. Ouais, ça. Encore une fois, ce sont des critiques sociétales, sur l'apparence, sur le genre, sur la sexualité, sur tout ça, quoi. Ouais, sur la réussite aux examens aussi à travers l'une d'elles, la pression aux examens. Donc c'est Brady qui joue sur plein de trucs qui typiquement peuvent poser de gros problèmes aux adolescents. Qui sont effectivement des problèmes de société et où il va renforcer les pires côtés pour réussir à pousser les gens au suicide. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est plutôt malin de montrer finalement chaque suicide comme jouant sur un problème social différent. Je trouve ça pas mal amené, ouais. Oui, tout à fait. Bill et les autres vont découvrir assez rapidement que Brady est certainement dans la cabane de chasse de Babineau pendant qu'une tempête se préparent et que donc ils vont devoir s'y rendre sous la tempête. Oui. C'est Holly et Bill qui vont y aller, tandis que Jérôme est censé rester derrière, d'une part parce que lui, contrairement aux deux autres, il a de la famille, il est plus jeune, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse prévenir la police si jamais Bill et Holly survivaient pas. Mmh, tout à fait. Holly et Bill vont réussir à convaincre la police, via Isabella, d'enquêter sur quand même cette histoire de site internet et d'au moins faire fermer le site internet. Mmh. C'est là que le personnage d'Isabelle commence à évoluer pour commencer à écouter finalement ce qu'on lui dit et ce qui se passe autour d'elle. Ouais, elle se dit « Ah mais finalement, peut-être raison ce con. Ah. » Oui, c'est ça, ou du moins il faut au moins être prudent quoi. Voilà. C'est le moment aussi où le roman devient un roman d'action. Oui. La poursuite avec Brady, le parcours à travers la neige et tout, et puis la confrontation finale avec les flingues et la grosse subfateuse là, il dit qu'est-ce qui se passe. Effectivement, c'est une cabane de chasse, il chasse à la sulfateuse le docteur quand même. C'est incroyable. C'est... Faut vraiment pas aller bien pour faire ça. Hein. Enfin déjà pour prendre plaisir à la chasse, moi je pense que c'est qu'on a un problème, mais... Oui déjà. Mais à la chasse à la sulfateuse quoi, c'est... Ah, je pense, pense que même nos chasseurs français les plus radicaux, ils diraient « Ouais non, elle a peut-être un peu abusé quand même celle-là. » Peut-être un peu trop quand même. Ouais. Mais donc oui, bah, y a le chemin qui se fait avec l'idée de course contre la montre, avec quelque chose qu'emploie régulièrement King, comme je disais, qu'il emploie déjà à la fin de Monsieur Mercedes, à savoir des chapitres assez courts qui ouais. alternent entre les différents points de vue pour montrer la progression du plan de Brady et l'avancée en même temps de ceux qui sont censés l'arrêter. Mm. Et bah, ça, c'est une structure qui marche toujours, hein, qu'on connaît, mais qui marche toujours au final. Ah oui, surtout quand c'est aussi bien maîtrisé. Oui, c'est ça. Voilà, d'une fluidité. En arrivant à Brady, bah, Bill est déjà très très faible, c'est sous la tempête de neige, donc en fait il va se faire dominer assez rapidement. Holly va se faire assommer, et le plan de Brady, c'est de prendre le contrôle de l'esprit de Bill pour qu'il tue lui-même Holly. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a un moment dans le roman où il apprend que finalement, c'est pas Bill qui lui a fracassé la gueule, c'est Holly. Oui, c'est ça. Et que du coup, la haine qu'il ressent vers Hodge, bon, bah, elle est toujours là. Mais finalement, il y a quelqu'un d'autre qui mérite d'avoir autant de haine. Oui. D'ailleurs, oui, ça, effectivement, c'est intéressant parce qu'on sait, nous, qu'il le sait, mais les autres personnages n'en ont pas conscience qu'il a appris cette information-là. Bah, puis surtout, ils s'en foutent, je pense, les autres personnages, en vrai. Bah, ils sont centrés sur autre chose, quoi, effectivement. Ils ont autre chose sur quoi se concentrer. Hein. Voilà. Donc oui, il arrive à hypnotiser Hodge avec le Zapit. Mais qu'est-ce qui sauve Hodge? Je te le demande, mon cher camarade. Eh ben sa fameuse sonnerie de SMS, Home Run. Et voilà! Il va briser parce que King aime, parce que King, en plus d'aimer écrire, il aime bien les fusils de Chekhov. Ouais, et le baseball. Et le baseball. Et il les emploie plutôt bien en général. Oui, bah surtout que là, c'est vraiment un truc qui est amené comme un gag pendant tout le roman, cette histoire de sonnerie de téléphone. Donc c'est plutôt imprévisible que ça resserve à ce moment-là, ouais. Et donc, grâce à ça, Hodge arrive à sortir de la transe provoquée par le Zapit. Et il le bute pas à ce moment-là, mais il arrive du coup à shooter dans Brady. Ouais. Qui va s'enfuir, qui là commence à utiliser sa sulfateuse. Voilà. Et celui qui va vraiment le tuer, c'est Jérôme. Jérôme, qui débarque. En tel un Deus Ex Machina. Ouais. Un Deus Ex Machina des temps modernes. Faut quand même le reconnaître sur ce coup-là. Effectivement, ouais. Mais bon, un Deus Ex Machina en chasse-neige, quoi. C'est quand même pas... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, bah là, le Brady, il est broyé, quoi. Ouais. Enfin, le Brady slash Babino, il est broyé. Il peut plus faire grand-chose, quoi. Normalement, c'est fini. Ouais, là, bah d'autant qu'il se tire une balle dans la tête juste derrière, donc oui, là, normalement, c'est fini. Et du coup, le prince du suicide se suicide deux fois, finalement. Ouais, ouais, ouais, ça finit quand même sur son suicide. Alors, ça finit pas exactement sur son suicide, parce qu'après, le gros de l'intrigue, mais après, oui, il y a un épilogue, effectivement. Il y a un long épilogue où on nous fait comprendre que Bill, c'est fini. Ouais, et alors, il est en deux parties, l'épilogue. Il y a déjà une partie 4 jours plus tard... Où juste on apprend qu'il y a eu pas mal d'autres morts parce que ça a créé un effet de vague tout de même. Oui. Et que donc Brady a quand même réussi à pousser pas mal de gens au suicide, hélas. Ouais. Et ensuite, effectivement, il y a 8 mois plus tard, où c'est Holly et Jérôme sur la tombe de Bill, qui, manière prévisible, a succombé à son cancer. Oui, a succombé à son cancer du pancréas, qui quand même est le cancer... voici, information terre-à-terre, l'un des cancers les plus foudroyants qui existent. Oui. Bah ça, c'est amené pendant tout le roman. C'est les chances de survie de Bill sont au plus de quelques années, et même ça, c'est quand même très très peu probable. À partir de... malheureusement, c'est du fait réel. À partir du moment où les symptômes d'un cancer du pancréas apparaissent, c'est trop tard. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est un cancer qui, a priori, est assez discret pendant un moment. C'est ça, qui s'insinue. Quelqu'un de ma famille l'a eu, donc forcément, je le sais. Oui. Qui s'insinue en toi, mais partout, avant justement de foutre le bordel. Donc au moment où il fout le bordel, bah, c'est foutu, parce qu'il est déjà partout. C'est déjà une forme trop nocive, ouais. C'est ça, en fait. À partir du moment où les symptômes arrivent, bah, il est déjà en métastase entièrement en toi, quoi. Donc voilà. Mais ça, je trouve que c'est plutôt intéressant tout le livre, ça joue quand même sur un certain espoir, mais on sait en même temps que cet espoir est vain, parce que là, il a quelque chose d'extrêmement grave. En fait, dès le début du roman, en soi, on peut savoir que c'est foutu pour Bill, et on sait pas à quel terme ça arrivera, ouais. C'est ça. Et donc, c'est aussi un livre sur l'acceptation, justement, de la mort. C'est pour ça que, finalement... lui-même veut conclure cette affaire parce qu'il sait très bien que c'est la dernière occasion qu'il a. Oui, et qu'il veut pas mourir en laissant l'affaire Brady en suspens. Et il est plutôt joli, je trouve, cet épilogue centré donc sur Holly et Jérôme, et qui montre Holly qui a du mal, mais qui réussit quand même à dépasser la mort de Bill, et qui retombe pas dans ses vieux démons, et qui va pouvoir continuer à aller de l'avant. Qui a du mal, parce que forcément, c'est le genre d'événement qui fait mal, mais qui est quand même résigné à continuer à avancer dans la bonne direction, quoi. Oui, voilà. Donc oui, c'est quand même une jolie conclusion. Et qui a quand même encore des amis aussi. Oui. Mais voilà, du coup, ça ferme bien le roman. Globalement, tout le roman, le parcours de Bill aussi, avec la douleur qui est de plus en plus forte, où il prend des médicaments quasiment constamment pour pouvoir continuer, est plutôt bien mené, parce que, on l'a déjà dit régulièrement, King est assez bon pour écrire le rapport à la douleur, parce que c'est quelque chose qu'il connaît bien, forcément. Voilà. Mais donc voilà, un beau roman qui conclut bien la trilogie, tout en laissant la porte ouverte pour Holly, qui effectivement reviendra plus tard en solo. Oui. Dans l'Outsider en premier ? Ouais, c'est l'Outsider, le premier roman solo où on revoit Holly. Et vu qu'il a été adapté, nous reparlerons d'Holly du coup dans cette émission. Enfin, on en reparlera déjà pour Carnet Noir, mais on en reparlera vraiment totalement pour l'Outsider. Ouais, sachant que ce n'est pas la même actrice qui joue Holly dans l'Outsider et dans la série Monsieur Mercedes. Oui, parce que ce ne sont pas les mêmes chaînes qui diffusent. Ouais, c'est ça, donc on aura deux interprétations différentes du personnage, en fait. Voilà. Et je ne sais pas du tout à quoi ressemble la version justement de l'Outsider. Moi, je sais. Parce que tu l'as vu, la série ? Ah non, pas du tout, parce que j'ai regardé le casting. Ah oui, non, mais je veux dire, je sais, je vois physiquement à quoi ressemble l'actrice, mais c'est pas la... Ah oui, je sais pas comment elle interprète le personnage, je veux dire. Tu parles du jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Oui, sinon, l'actrice, je sais même que ça avait fait râler à l'époque. Ça, je me doute bien. Pour des raisons évidentes, voilà. Voilà, je me doute bien, spoiler, l'actrice est afro-américaine. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, vous tenez bien pourquoi ça fait gueuler, hein. Mm. Elle est plus proche, par contre, en termes d'âge. Parce que la Holly de la série télé, on va l'aborder. Mais je crois qu'on l'avait déjà dit, hein, quand on avait parlé d'adaptation de Monsieur Mercedes, l'actrice fait plutôt jeune. Alors que Holly est quand même à un âge assez avancé. Enfin, assez avancé. Elle n'a pas 20 ans, quoi. Oui, elle a à peu près une quarantaine d'années, il me semble. Dans Monsieur Mercedes. Et donc, comme 7 ans sont passés, normalement, dans le roman, elle a 47 ans au moment de fin de roman. Voilà. Donc, l'écart s'est encore creusé, parce que pour le coup, la deuxième saison de la série se passe à peu près un an après la première saison, donc... C'est ça. De manière logique, les personnages ont moins vieilli, oui. Mais voilà, bref. C'est vraiment un chouette roman, une très bonne lecture. Mangez-en. Ouais. Et effectivement, je viens de revérifier l'actrice Justine Loop, qui joue Holly, donc, dans Monsieur Mercedes. Elle est née en 89, donc effectivement, elle est plus jeune que son personnage au moment du début de la série. Au Ouais. moment, au moment des séries, ouais. Elle a plutôt elle a même moins de la trentaine. Ouais. Mais donc oui, lisez le roman. Et maintenant, bah, nous, on va passer à l'adaptation, je suppose. Youpi. Ouais, c'est parti. Mr. Arthfield's in a coma, one that's likely irreversible. He's a mass murderer. The most reviled man in the history of this town. Am I going to be able to prosecute Brady Hartsfield? He's a gork. Can't even breathe on his own. You in there, my friend? More than you know. I heard they used to sneak into his room, sit across from him. He missed me. I wanted to be there when he woke up. Why'd you stop? I realized he wasn't gonna. The brain is an enigmatic country. And what my team and I are doing is mapping it like no one has before. Give him the full dose. He lives. We're geniuses. And if he dies, he dies. I'm looking for my big case, and this is it. I can't make him sit up and talk. I'm helping you. You need to help me. His brain activity is spiking. It's not possible. Standing in that room, I felt like he was still among us. I don't think he's gone. You think there's some part of you that wants this case to go on? You are an addict, and Brady is your drug. What do you think is happening? I think he's hypnotizing people somehow. He's in my head. I don't know how else to explain it. There's some kind of door in me. And something, someone comes through that door. Who? Brady Hartsfield. Our Dr. Frankenstein has been experimenting. What kind of experiments? Brady, I don't think you realize what position you're in right now. I can make you do anything I want. I can make your fingers curl. You want Brady to a marriage? Let me be a part of whatever we've got going. I can get this crazy bastard to crawl out of his hole. Ollie, Ollie, oxen free. Come on out, Brady. I thought you'd never ask. Donc, le renouvellement de la série Monsieur Mercedes, il est annoncé en octobre 2017, la veille de la diffusion du dernier épisode de la première saison, le 10e. La série fait le choix de ne pas adapter directement Carnet Noir et de sauter à fin de ronde, les scénaristes estimant... il y a deux raisons à ça. La première, c'est que les scénaristes estimaient que le cœur de la première saison de la série, c'était la relation entre Bill et Brady, qui est absente de Carnet Noir, puisque Brady n'y apparaît quasiment pas. Ouais. Et de plus, Jack Bender, un des réalisateurs, note que l'apparition de Bill et des autres personnages seulement à la moitié de Carnet Noir était un frein à l'adaptation et aurait compliqué celle-ci. Bon, finalement, ils vont le faire quand même pour la troisième saison, et je me demande comment ils vont le faire d'ailleurs. Mais pour la deuxième saison, ils décident de s'adapter à un roman plus adaptable selon eux, donc fin de ronde. À la tête de la série, il y a toujours David E. Kelly, donc qui était déjà showrunner de la première. Et on va retrouver forcément un casting très similaire, puisque beaucoup de personnages reviennent, donc c'est toujours Brendan Gleeson en Bill, Harry Treadaway en Brady, Justin Loop en Holly, Jarell Jerome en Jérôme Robinson, Holland Taylor en Naida, la voisine, et Brenda Wool en Lou. Donc Lou, en fait, c'est Freddy Linklater. Elle change juste de nom entre le livre et la série. Et Nancy Travis en Donna, l'ancienne femme de Bill. Il y a tout de même quelques nouveaux personnages qui vont apparaître durant cette saison, dont le docteur Félix Babineau, qui est interprété par Jack Huston. Alors, changement par rapport au roman, Félix Babineau là, est plus un docteur dans la trentaine ou la quarantaine, enfin encore jeune, tandis que, comme on l'a dit, c'est un vieillard dans le roman. Ça. Jack Huston, c'est le petit-fils de John Huston et le neveu d'Angelica Huston, parce qu'on aime bien, les gens qui travaillent en famille, voilà. Il a joué dans le troisième Twilight, par exemple, ou dans Orgueil et Préjugés et Zombies. Il joue Ben-Hur dans le Ben-Hur de 2016, et il est aussi dans House of Gucci de Ridley Scott. Ça, c'est si en le voyant dans la série, la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est que vous rêvez de le voir mal jouer avec un accent italien raciste. Dans ce cas-là, vous pouvez regarder Ridley Scott. Et il a un rôle important dans Broadwalk Empire, apparemment, mais une série que je n'ai pas vue. Qui a des très bons avis, par contre. D'accord, je n'ai pas vu celle-là, t'en avais peut-être vu une partie, mais non. Non, je n'ai pas vu. Voilà. Avec Sam Buscemi, il me semble. Je crois, les rôles principaux. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a Sam Buscemi, donc c'est que ça ne peut pas être totalement nul, déjà, de base. Brendan Gleeson aussi, c'est un bon acteur. Hein. C'est vrai. Putain, merde. Cora Babineau, donc la femme du docteur Babineau, qui dans la série a beaucoup d'importance, elle est interprétée par Tessa Ferrer, la petite cousine de George Clooney et la nièce de Miguel Ferrer, un acteur qu'on a rencontré plusieurs fois dans ce podcast, notamment dans Les Ailes de la Nuit, où il jouait le rôle principal. Ah oui, effectivement. C'est surtout une actrice de série. Elle a joué la docteur Lea Murphy dans plusieurs saisons de Grey's Anatomy. Et elle a un des rôles principaux d'une série appelée Swagger, voilà, que je ne connais pas. Ok. Library Hall est interprétée par Mike Starr, qui avait déjà un tout petit rôle dans Cat's Eye, mais je ne l'avais pas mentionné. En fait, il jouait un des gardes du corps dans le segment La Corniche, un des gardes du corps du méchant de La Corniche. Signé Cat's Eyes. Voilà, toujours. C'est un acteur qui a une carrière chargée, mais souvent dans des petits rôles de flic ou de bandit, beaucoup à cause de sa carrure. Il a joué dans 30 épisodes des Feux de l'amour, ça veut dire 0,23% de la série, voilà. Ah oui, c'est ça en plus. Je pense que tu dois pas être très loin du vrai. Ah mais j'ai calculé, c'est le vrai chiffre. Ah merde. J'ai calculé. Ah ouais, il a changé depuis, vu qu'il y a un épisode par jour quasiment. Je sais pas à quel rythme. Ouais, après j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Je sais plus à quel rythme c'est, il y a des pauses de temps en temps, mais c'est à plus de 30 000 épisodes en tout cas. Mais ça fait peur, oui. Ouais. Et un personnage ajouté pour la série qui n'est pas dans le roman, c'est Antonio Montes, qui est assistant du procureur, qui est interprété par Maximiliano Hernandez, qui joue un agent appelé l'agent Sitwell dans plein de trucs du MCU, mais je vois pas du tout qui c'est. L'agent Sitwell ? Pourtant, il est dans des films que j'ai vus, hein, mais ça doit être un de ces personnages du FBI complètement aux F, là. Ah oui, d'accord, ok. Mais voilà. Sans barbe, ok, je vois. Il est totalement imberbe, ce personnage du MCU. Et tu te souviens de ce que fait son personnage ou pas du tout ? Pas du tout. Bon, il doit rien faire de très intéressant en même temps. Hein, dans il doit rien faire, ça doit être un connard en fond qui dit oui, d'accord. Ouais, c'est ça, et qu'on fait revenir pour essayer de dire ouais, non mais si, on a une cohérence dans notre univers, le voilà. Multivers, tout ça. En vrai, les deux seuls agents du SHIELD qui servent dans le MCU, c'est Nick Fury et Coulson, quoi, c'est tout. Les autres, à la foutre. Ouais, c'est ça, les autres, ils sont complètement interchangeables. Voilà. Bon, après, ça fait des cachets, j'imagine. Et encore, au bout d'un moment, même Coulson, ils s'en sont débarrassés. Si c'est pas triste. Alors, il n'y a pas eu une série, pourtant, centrée sur Coulson ? Si. Il y a eu les agents du SHIELD. Mais du coup, c'est con de s'en être débarrassé pour le MCU, alors que c'était le seul truc qui tenait un peu le bordel en place, quoi. Ouais, au niveau du SHIELD. Ouais. Mais voilà, c'est pour les nouvelles personnes au casting, c'est à peu près tout, parce que sinon c'est plutôt familier. Et on va aussi retrouver à l'écriture et à la réalisation une équipe en partie familière. Donc au scénario reste de la première saison David Kelly lui-même, Dennis Lehane et Brian Golubloff. Avec par contre une chier de nouvelles personnes, ils sont 36 000 scénaristes sur cette saison. Donc il y a Mike Battistic qui était déjà superviseur du scénario dans la première saison, mais qui... lui, il est que sur la deuxième saison, pardon. Samantha Stratton, Alexis Dean, Sophie Owen-Bender, c'était elle qui était déjà dans l'équipe de la première saison, mais elle n'avait aucun épisode écrit elle-même. Et Jonathan Shapiro. Voilà, Jonathan Shapiro, tout ce que c'est le seul sur lequel j'ai noté un truc. Il est co-créateur de la série Goliath avec David Akili, et c'est un ancien avocat, voilà. Waouh. Ou alors il est encore avocat, lui, c'était pas net. Bref. Et à la réalisation, on retrouve Jack Bender, Peter Weller, Laura Innes. Bender réalise 8 épisodes, les deux autres en réalisent un chacun. Et il n'y a que Peter Weller, en fait, qui est un nouveau venu sur la série. Et en fait, c'est un type qui a réalisé pas mal de trucs. Il a fait des épisodes de Dome et il a fait plein de séries en réalité dans les années 2000. Mais il a été un acteur aussi, il l'est toujours occasionnellement. Et c'est par exemple l'acteur principal du Festin nu de Cronenberg. Voilà, je te l'ai noté. Parce que le Festin nu, c'est vraiment bien. Oui. La musique est créditée sous le nom Vanacore Music Group. J'ai vérifié, c'est une compagnie qui soit propose de piocher dans une librairie de musique déjà composée, soit fait de la musique adaptée au projet. Et je sais pas lequel de ces deux choix a été fait pour la série. Comme il y avait un formulaire de contact, j'ai essayé de les contacter, mais ils m'ont pas répondu, donc ils allaient se faire niquer. De toute façon, leur musique, elle est nulle. L'IMDB liste comme compositeur David Van Acker, ce qui est cohérent, puisque c'est le fondateur du groupe, et Anthony Roman, un autre compositeur de musicomètre, mais qui n'est pas crédité, mais il n'y a que sur l'IMDB qu'il est crédité pour la série. Même son CV n'indique pas qu'il aurait participé à Monsieur Mercedes, donc est-ce que c'est l'IMDB qui s'avance trop, ou est-ce que c'est un truc qu'il n'a pas voulu mettre en avant? J'ai pas réussi à savoir, et encore une fois, comme j'arrive pas à les contacter, je sais pas. Et encore une fois, leur série, leur musique a eu à chier, de toute façon. Voilà. La série est diffusée à partir du 22 août 2018 sur Audience Network, qui est plutôt une petite chaîne, en fait, qui n'a pas vécu longtemps, hein. Ça ferme en 2020-2021, Audience Network. Et le renouvellement de la série est tout de même annoncé le 19 novembre 2018, donc cette fois-ci après la diffusion du dernier épisode. Pour les notes, elle a un score de 3,4 étoiles sur Allociné, ce qui la place 16e à égalité avec Rose Red et La Tempête du Siècle, et un score de fraîcheur de 100% sur Rotten Tomatoes, ce qui la place première de notre classement. Ce n'est pas moi qui fais les règles. Non, voilà, c'est, officiellement. C'est que la série est très appréciée. Hein, oui, bah, par les 10 personnes qui l'ont vue, oui. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui a vu ce truc-là, quand même. Hein. Bah, en piratage, moi, sur les sites sur lesquels je l'ai vu, hein, Tipiak, bonjour. Oui. tous les commentaires, c'est « Waouh, série extraordinaire !» quoi. Tu vois, oui, mais bon, il y en a trois, tu vois, donc l'un dans l'autre. Je pense surtout que tout le monde s'en fout. Et on va mentionner les plus grosses différences qui existent entre la série et le roman, pour les avoir en tête. Donc Déjà, la principale différence, c'est que c'est de la merde. Non, mais t'avances pas trop, tu donneras ton avis après, tu vas pouvoir te défouler. Mais oui, c'est la principale différence. Mais dans l'intrigue, Pete meurt très tôt dans la deuxième saison de la série, alors que dans le roman, il est quand même pas mal présent. Et surtout, il est présent dans les tomes suivants de Holly, c'est un personnage récurrent, Pete. Donc, voilà. Donc, s'il faut, on va le voir dans l'adaptation de l'Outsider, quoi. Ah bah, a priori... Ah, il est peut-être pas dans l'Outsider. Ah. En fait, l'Outsider, il y a vraiment Holly, mais même Jérôme et Barbara, j'ai pas souvenir qu'ils soient dans l'Outsider. C'est à partir de If It Bleeds qu'on revoit vraiment tout le monde à coup sûr. Ils sont peut-être mentionnés. Oui, ils sont mentionnés, ça, c'est certain. Mais je suis plus certain qu'on les voit, par contre. Ok. Mais donc, il meurt. Il y a l'importance accordée au personnage de Cora Babino et même au docteur Babino qui a un rôle totalement différent puisque là, ils ont plein d'affaires liées à une compagnie de médicaments chinoises autour des trucs qu'ils testent. Ce que j'allais dire, il y a des Chinois. Voilà, c'est ça. Voilà. L'échelle du plan de Brady est très réduite. Enfin, le plan de Brady. Oui. On va le dire vite. Il en a pas moins. Ouais, c'est ça. Le personnage d'Anthony Montes, qui donc n'existe pas dans le roman et qui là est un assistant du procureur qui se rêve en procureur et qui donc voudrait que Brady se réveille pour pouvoir faire son procès et faire sa pub à cette occasion-là. Ouais. De manière logique, là pour le coup, le rôle donné à Freddy slash Lou Linklater, puisque elle s'était faite poignarder par Brady à la fin de la première saison et donc là elle est en rémission, elle a encore plus de raisons d'être traumatisée par Brady et là elle va pas du tout participer à son plan de manière générale. Ouais, notons quand même que c'était peut-être l'un des meilleurs éléments de la première saison, Freddy. Oui, oui, oui. Pour le coup. De la saison 1, oui, on est d'accord. Et le cancer. Et de la saison 1, oui. Ouais, ouais. Et Bill n'a pas de cancer dans cette version parce que, évidemment, ils avaient l'idée de potentiellement continuer, donc ils peuvent pas avoir un Bill à l'article de la mort. Oui, ou alors ils auraient fait un autre cancer. Un moins foudroyant, quoi. Oui, effectivement, ouais. Et oui, si on peut rajouter qu'il y a toute une sous-intrigue qui a quand même de l'importance dans le roman autour de Bill et de sa femme, et une autre sous-intrigue autour de Bill qui construit un kiosque dans le jardin de sa voisine. Ça prend tellement de place dans la série que je le mentionne, quoi. Oh là là là là là là. Tous les pauvres types qu'on poursuit, ils galèrent bien assez comme ça dans la vie. C'est pas le propos. Ça l'est pour moi. Tu m'as menti. Pour De La Cruz, pour Brady. Oui, je sais qu'il est sorti du coma, c'est Jérôme qui me l'a dit, ce qui prouve que tu m'as menti deux fois. Parce que je trouve que ton point de vue sur le sujet n'est pas du tout responsable. Ces affaires que tu acceptes là, ça devient de plus en plus dur à supporter pour moi, ok? La dame dont on est venu chercher la voiture, il y avait un siège bébé à l'arrière. Putain de bordel de merde. Mais... Écoute, quand on travaille d'arrache-pied chaque jour, on aime bien savoir que ce qu'on a accompli a du sens. Toi, ce genre de truc, ça te donne de la satisfaction? Sérieusement? Ben, la seule chose qui semble avoir de l'importance pour toi, c'est Brady Hartsfield. C'est pas la seule chose, mais il est important, oui. Alors que s'attaquer à des gens qui ont pas de bol dans la vie, ça ne l'est pas du tout. C'est même merdique. Et je m'excuserai pas d'avoir dit ça. J'entends tes arguments, si c'est vrai. Surtout quand tu les exprimes dans un langage si fleuri, je comprends que c'est ce que tu penses vraiment. Mais ceci étant dit, toi et moi, on est partenaires. Il faut que tu me traites en tant que tel. Ok. Et c'est bon, on va pouvoir passer à nos avis, allez, vas-y. Mais c'est de la merde, c'est de la merde, rien qui va, c'est mal écrit, c'est mal rythmé. Je peux même pas dire que c'est mal joué, parce que pour le coup, j'ai dû la subir en VF. Donc je sais pas ce que vaut le jeu d'acteur. J'ai vu deux épisodes en VO, parce que chez moi, il y en a deux qui voulaient pas fonctionner. C'est pas fou, mais qu'est-ce que tu veux jouer avec ça? Bah voilà, c'est ça. Tant que Gleeson, c'est vraiment un bon acteur en temps normal, quoi. Oui, même les autres, on avait pu constater dans la saison 1 que c'était des bons acteurs. Donc voilà, c'est nul, c'est nul. Voilà. Putain, il y a une saison 3, allez. Ah ouais, j'ai déjà peur. J'ai déjà peur. J'ai pris des notes sur chaque épisode, donc... Moi aussi. Ah, on va pouvoir faire notre critique à propos de nos notes, c'est super. Pour mon avis rapide, ouais, c'est dur. C'est genre vraiment, j'ai eu du mal à la terminer. Ouais, c'est dur, c'est rude. C'est long. C'est tellement inintéressant en plus. Ouais, je regardais un épisode par jour et c'était déjà trop. Et je suis passé en accéléré assez vite, hein, je vais pas mentir. Je suis passé en 1.3 de manière relativement rapide. Parce que c'est une succession de trucs, de scènes interminables dont on n'a rien à faire. Toutes les sous-intrigues sont placées à peu près au même niveau. Ouais. Ce qui fait que ce qui concerne Brady va être noyé au milieu du reste et va prendre la même importance que la construction du kiosque de la voisine. Voilà. Ça fait très très bizarre. C'est problématique. Il y a des trucs qui sont là mais qui ne sont pas suivis et donc on ne sait pas pourquoi c'est là. Les quelques bonnes idées sont tellement suremployées que ça devient nul. Et puis il y a tellement de trucs de supprimer. Et puis oui, le fait que l'échelle du plan de Brady soit très réduite, en fait, ça fait que on s'en fout en fait de ce qu'il fait Brady. Il est pas très dangereux dans la série. En fait, il a quasiment aucun plan même. Ouais, c'est ça. Ce qu'il veut, c'est se barrer. Il a un plan lié aux tablettes, mais qui va être abandonné en cours de série. Donc, voilà, c'est ça. Véritablement, son plan final, c'est je veux me barrer. Ouais. Et tuer Hodge, quand même. Oui. Oui, mais même ça, sur les derniers épisodes, c'est pas plus son délire que ça, quoi. Il essaie une ouais, fois. Ouais, parce qu'il veut plutôt fuir, c'est vrai. Ouais. Bon, allez, épisode par épisode. Ouais. Je commence. Vas-y, commence, ouais. Si développer tu veux, l'agence. Si tu veux, fais même tout, hein. Comme ça, je développer me barre, l'agence hein. De Hodge pour gagner du temps. Si l'affaire était intéressante, ok. Mais là, trois petits points. Parce que oui, ça s'ouvre, enfin je sais pas si ça s'ouvre, je sais plus si l'épisode s'ouvre sur ça, mais on voit Hodge qui essaye de choper un mec parce qu'il a volé un avion. Waouh. Ouais. Et c'est inintéressant au possible, quoi. Bah tu le mets un avion, tu le mets sous ton manteau et ça se vole comme un rien. Hein, c'est... Les vols d'avion à l'étalage, quel fléau. Développer Babino, pourquoi pas, à voir où ça va. Pour le coup, vraiment, pourquoi pas. Oui. Dans l'idée, on en a qu'au premier épisode. Dans l'idée, ouais. Pourquoi pas. Waouh. Façon ultra expéditif de se débarrasser de Pete. Non mais c'est ridicule, la manière dont il meurt. Je comprends pas. Alors j'imagine... Là, Pete va voir Bill chez lui, de mémoire. Voilà, ils boivent une petite binouze, tranquille. Pete veut aller s'en servir une autre. Crise cardiaque. Ouais, c'est pardon. Quand ils sont en train de travailler sur le kiosque, justement, au moment où il fait la crise cardiaque. Oui. Et ça, pareil, ouais. Ça va pas être tellement suivi. En fait, quelques scènes après, tout le monde s'en fout. Oui, c'est ça, ça aurait pu amener un propos sur la peur de la mort de Bill, etc., mais pas vraiment, en fait. Donc c'est un truc qui va pas être intéressant, ça fait partie de ces éléments qui sont amenés, et on comprend pas pourquoi. Pour se débarrasser d'un personnage, mais dans ce cas-là, le fait même pas apparaître, tout simplement. Ouais. Vraiment pas, quoi. Ouais, pour ça, on aurait pu s'en passer de Pete, effectivement. Ah oui, si c'est pour en faire ça, autant ne pas renouveler le contrat de l'acteur, quoi, puis c'est tout. Ouais. Alors, il y a un truc qui m'a fait rire, mais involontairement, c'est qu'à un moment, dans ce premier épisode, il y a un personnage qui dit, qui demande « La mort parle pas déjà espagnol ?» Et moi, j'avais le capitaine Kirk en tête de House of the Dead. Hein. Voilà. Ah oui, oui, oui. La mort en espagnol. Fatalement, oui. Dans mes notes, j'ai aussi marqué Bill, qui a des visions de Brady façon le Joker. Trois petits points. Voilà. Façon Joker le film ou façon Joker le personnage ? Façon Joker le personnage, c'est vraiment, il a des visions, l'autre il est dans le cimetière, adossé sur les tombes, tu sais pas ce qu'il fout là. Et ben, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, bah c'est pour montrer qu'il est obsédé par Brady. À la limite, si ça creusait plus le fait que Brady peut-être prend le contrôle de Bill et commence à envahir littéralement son esprit, ça pourrait être intéressant, mais ça aussi, ça va pas être vraiment creusé pour le coup. Bah oui, parce qu'il a des visions de Brady que dans cet épisode, donc à quoi bon ? Ouais. Voilà. J'ai noté aussi Brady qui fait de la philosophie de comptoir en voix off, à l'aide. Ah, ça va être un gros truc, la philosophie de comptoir, hein, aussi, des personnages. J'en ai noté un de, je crois, la voisine Aïda. Tu serais pas en train de réagir face à la vie plutôt que de la vivre, ce qui ne veut rien dire. Oui. Et puis, c'est typiquement le genre de phrase que tu ne sors jamais à quelqu'un. Ouais, non. Bah non, parce que moi, j'arrête de fréquenter la personne si on me sort ça, tu vois. Déjà. Et enfin, la dernière phrase de mes notes pour cet épisode. À quoi a servi cet épisode ? Ouais. Alors, vraiment, à que dalle. Aussi, à la fin de l'épisode, le personnage de Cora commence à dériver sérieusement. Je la trouve extrêmement mal écrite, Cora Babino. Et c'est à la fin de l'épisode où elle apprend dans le même temps qu'elle est enceinte. Elle l'apprend à Félix Babino, son mari. Et elle lui fait du chantage à l'avortement pour qu'il continue les expérimentations sur Brady. Il est chaud, hein, le personnage de Cora, sur certains points. Bah surtout qu'après, elle se fait passer en victime, quelques épisodes après. Oui. Finalement. Qu'est-ce que t'as noté sur cet épisode ? Bon, moi, un peu plus de trucs que toi, mais il n'y en a aucun qui est vraiment intéressant. Voilà, c'est... D'accord. Il y a beaucoup de récurrences du mot « la scène est longue », où j'en ai pas grand-chose à faire. C'est quoi ce perso, bordel ? Le discours est tout nul. Enfin, voilà. Bon, bah voilà. La scène dont j'ai noté qu'elle est pas mal, c'est la scène où Bill prend une bouteille de vin après l'enterrement de Pete et où il décide de pas la boire. Là, à la limite, vu qu'on sait qu'il est ancien alcoolique, pourquoi pas, tu vois. Ah oui, ouais, pourquoi pas. Il la verse, je sais plus où. Dans l'évier, je crois. Ouais, dans l'évier, simplement. Je crois. Voilà, il y a toujours la tortue, je l'ai pas noté. Oui, oui, ouais, c'est aussi un personnage récurrent, ouais, je suppose. À la limite d'être indiqué au générique, la tortue. Hein. Allez, épisode 2, hein. Ouais. C'est quand même l'introduction des apites, puis de Biblial. Ouais, les apites qui sont distribués dans une classe, c'est super, c'est con que ça ne serve pas, mais c'est super. Oui, voilà. Mais parce ça, que ça, au bout d'un moment, on n'en reparlera pas du tout. Les apites, si, on va les revoir, mais pas qu'ils sont distribués dans une classe. Ouais, c'est ça, il y aura... Oui, distribués dans une classe, il y aura une scène sur laquelle on reviendra avec Barbara, mais qui, voilà, pareil, n'aura aucune suite. Et sinon, bah, le fait qu'ils soient distribués dans une classe, ça n'a aucune importance. Voilà. C'est ça le problème. Ouais. Il y a un autre problème. C'est que dans cet épisode-là, on voit encore des affaires de Finder Keeper, c'est que bah, c'est toujours pas intéressant, qu'on s'en bat les couilles. Et qu'en plus, bah, le côté enquête n'est pas montré. Donc à quoi ça sert finalement ? Bah, en fait, je vois ce que ça cherche à amener de Bill, qui est frustré d'enquêter sur des trucs de merde et qui est frustré surtout de nuire à des pauvres gens, parce que c'est ça le propos qui est développé. Ça pourrait être intéressant, mais sauf qu'il faut pas y consacrer autant de temps et surtout, bah, là. Alors, autant après, ça va être Bill qui va être un connard tout du long de la série. Là, autant c'est Oli, là, c'est Oli qui est vraiment une connasse, parce que elle, ça lui pose pas de problème. Oui, j'ai volé la voiture d'une pauvre, ça me pose pas de problème. Non, elle était... L'argument, elle est pas comme ça dans le roman, c'est pas un bon argument, mais elle est pas comme ça dans la première saison de la série, en fait. Là, oui, pour déjà, le coup, c'est ça, un argument. Fait. C'est ça. Oli, elle a des difficultés relationnelles, elle a tout ce qu'on veut, mais elle a un minimum... Elle est un minimum consciente, elle est même très consciente du bien et du mal. Bah oui. Donc elle serait pas censée s'en foutre autant, quoi. Alors que là, pas du tout, quoi. Ouais. Le palais mental de Brady, c'est une idée qui aurait pu être pas mal, mais c'est très mal exploité. Bah c'est trop surtout... exploité, surtout. Et c'est surtout exploité de manière ridicule. Parce que genre, avec les écrans de partout, ça fait genre... Ça sort salle de contrôle dans un Power Rangers, quoi. Alors ça, c'est pour recréer sa cachette dans le premier, c'est exactement premier. Le même. Oui, du premier, mais c'est nul à chier. Si ça avait été mieux fait, ça, j'aurais dit pourquoi pas, tu vois. Même si le coup du palais mental, on est en 2018, donc il y a déjà eu Sherlock qui l'a beaucoup employé. Et en réalité, bah, dans une adaptation de King, il y a déjà eu Dreamcatcher qui l'a employé. Donc ça commençait à être une idée convenue, quand même, le palais mental à l'époque. Oui. Mais bon. J'imagine que ça permet de donner une présence à Brady. J'ai pris une note, mais je me souviens plus par rapport à quelle scène. J'ai mis pour une fois que King met pas une scène de cul dérangeante, faut que ça soit l'adaptation qu'il fasse. Celle avec son épouse, peut-être. Il y a une scène de cul dérangeante dans l'épisode 2, je me souviens même plus. Non, moi j'avais pas souvenir. Ou alors c'est entre le docteur et sa femme. Ah non ! Non, je vois. C'est quand Brady se branle en faisant se toucher l'infirmière quand il en prend le contrôle. Ah oui, voilà. C'est ça, oui. Ah putain. Oui. Voilà. Oh là là. Parce que la scène entre le docteur et sa femme dans le premier épisode était dérangeante aussi, mais c'est pour une autre raison. Mais voilà. Mais oui, voilà. Horrible, ouais. Alors, globalement, la série a un véritable kink autour de Brendan Gleeson qui pisse. Hein, parce que c'était déjà dans le générique de la première saison. Et là, il y a beaucoup de scènes assez durables où c'est Bill qui va pisser. Oui, et puis qui pisse la porte ouverte en parlant avec les gens. Quoi. Il y a même toute une scène, à un moment dans un rêve, dans un épisode futur, où Brady lui attache un fil à la bite pour l'empêcher de pisser. Oui. On vous fait des petits spoilers de ce qui vient ensuite. Voilà. Voilà, et c'est à partir de là où il y a l'intrigue du kiosque, l'intrigue de la mourette avec la voisine, l'intrigue de Jérôme à Harvard. Ouais, c'est ça, où on apprend que son père a des problèmes d'argent, mais ça, pareil, ce sera pas du tout résolu, au final, ça avancera pas beaucoup. Oui, on aura juste une scène où on comprend que c'est le père toxique de l'année, mais ça va. Oui, ah oui, oui. Elle est où ? Parce que je l'ai notée. C'est très tard, c'est vers l'épisode 9, je crois. Si tu parles de celle où il engueule son fils parce qu'il a fait le plein de courses. Parce qu'il a fait les courses. Ouais, c'est dans l'épisode 9, un truc comme ça. Épisode 8, le père toxique de l'année. Ah ouais, non. Cette scène, elle est... Oh mon dieu, quoi. Mm. Bah, bref, on en est encore qu'à l'épisode 2. Ouais. J'ai fini mes notes avec l'épisode 2. On a revu Lou, très rapidement, qui a appris que Brady se réveille. Ça, on l'a pas encore mentionné. Qui est en couple, qui est en couple avec une petite nana. Voilà. Ouais. Et Montez, le procureur, a été introduit. C'est là le truc avec l'infirmière qui torture Brady dans la série. C'est la scène est refilée à Montez qui presse les couilles de Brady. Voilà. Voilà. C'est bien. L'épisode 3, il commence par un truc qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais qui va être beaucoup trop employé, à savoir de faire un parallèle entre Bill et Brady dans leur quotidien. Mais il va y en avoir 200 000 des montages parallèles comme ça. Ah oui. Donc voilà, encore une fois, truc surexploité. Avec un montage musical et tout. Ouais. Déjà que tu tapes un générique tout pérave... Parce qu'il n'a le générique que le nom, finalement. Oui, mais comme celui de la première saison, hein, les génériques de cette série sont vraiment nuls à chier. Ah oui, c'est juste une scène qui est répétée à chaque début d'épisode. Ouais. Voilà, c'est super. Là, en l'occurrence, c'est une scène où Bill... Enfin, c'est une succession de passages où Bill rend visite à Brady dans sa chambre. Voilà, c'est super. Alors, au moins, on évite le générique où on le voit pisser, tu me diras. Oui, ouais, on va dire ça. Bon, je sais pas, payer quelqu'un pour vous faire 3 dessins, quoi, à la limite, ça... Ah oui. Bah surtout, c'est quand même marrant, parce que c'est quand même... Monsieur Mercedes, la série a été faite à une époque où, vraiment pour le coup, le générique de série télé, c'était important. Ouais, c'était peut-être tellement... Il y avait peut-être tellement pas suffisamment d'argent qu'ils ont pas fait, mais oui, effectivement. C'était l'époque des beaux génériques qui duraient assez longtemps. Ah oui, où c'était avec une vraie musique de 1 minute, 1 minute 30, ça avait de la gueule, quoi. Enfin, ouais. Beaucoup de séries avaient des génériques qui avaient de la gueule. Oui, on l'a noté d'ailleurs pour certaines séries, dont pour Histoire de DC, où le générique est un des meilleurs trucs de la série. Oui. C'est vrai. Là, on va commencer à avoir l'idée que Brady imagine des gens dans son palais mental, et donc on a des scènes avec des gens de son passé, il va y avoir son patron, il va y avoir son petit frère, il va y avoir sa mère. Mon Dieu. Voilà, ça permet de remplir du temps. Hein, C'est là où aussi il y a une embrouille encore entre Bill et Holly sur la gestion de Finder Keepers et tout. Avec Holly qui commence à reprocher à Bill d'agir trop en solo et de pas lui faire confiance, ce qui pour le coup est une thématique aussi du roman, sauf que dans le roman les personnages évoluent. Dans la série, Bill restera le même connard. Dans mes réflexions sur l'épisode 3, j'ai indiqué mais pourquoi tout le monde est odieux les uns envers les autres dans cette série. Les personnages sont détestables. Mais tous quoi. Ouais. On te les vend comme des amis de longue date, mais t'as l'impression qu'ils se détestent tous. Je fais pas ça l'amitié. Bah ouais, c'est ça. Je comprends pas ce qui s'est passé au niveau de l'écriture. Il y a Bill qui commence à... parce qu'à la fin de l'épisode 2, Bill avait senti... Enfin, Brady avait voulu prendre le contrôle de l'infirmière, Sadie, pour tuer Bill. Il y avait des gens qui avaient débarqué, mais Bill avait senti l'aura menaçante, et c'est ce qui va le pousser à commencer à enquêter sur... sur l'infirmière et à planquer devant chez elle. C'est tellement pas fluide, putain. Alors qu'il y a... Le début d'enquête du roman est beaucoup plus fluide, quoi. La survivante du City Center, le suicide, c'est beaucoup plus fluide que l'infirmière qui est prise possession, elle veut tuer Bill, du coup, s'il enquête sur elle, alors c'est tarabiscoté et pas fluide, et c'est mes notes. Bah, le problème, c'est qu'ils ont voulu largement atténuer le côté fantastique du roman, et donc ils ont supprimé plein de trucs à cause de ça, mais ça supprime totalement la dangerosité de Brady. Et finalement, dans la série, les apites sont là, mais... ils servent pas à grand chose quand même. Ah oui, c'est pour ça que dans mes notes de l'épisode 3, il y a mais où sont les apites ? Ah. Ouais, c'est ça, ils vont être très peu utiles. On comprend pas pourquoi il y a eu une insistance dessus à certains moments si on a regardé que la série. Mais ouais, du coup, on a encore une fois un épisode interminable. Oui. J'ai noté, j'ai une note à un moment, encore Bill qui pisse, tu vois. C'est bon. Et je pense que tu t'es trompé, c'est pas dans l'épisode 3, c'est dans l'épisode 4 que l'autre con, il y a des gens avec lui dans le palais mental, parce que dans mes notes, sur l'épisode 4, il y a « Ah, bah voilà qu'il est plus tout seul dans son palais mental. » Ah, moi je l'avais déjà noté par rapport au frère qui apparaît dès l'épisode 3, pour le coup. Ah, peut-être que le frère, je l'ai vu plus comme une vision, comme ça, parce qu'il y a pas... il y a de l'interaction, mais pas autant qu'avec son ancien patron. Oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais donc sinon, ma première note de l'épisode 4, c'est « Ah, Hodge agit toujours comme un connard. » Eh oui, bah oui, c'est... Ah, j'ai noté une phrase. Ah ouais, il y a le docteur Babineau qui à un moment dit « C'est bien d'avoir un ami, avoir un boulot, c'est mieux. » Ouais. Je me suis dit « Putain, merci, quoi, cette phrase ?» Merci Manu. Cette phrase de macroniste. Ouais, c'est ça. La vache. Ouais. L'épisode 3 s'est terminé par le suicide de l'infirmière quand même. Hein. On peut peut-être le signaler, c'est censé être un événement important. Ah oui! On y consacre peut-être moins de temps qu'au kiosque, mais c'est censé être un événement important. Parce que Hodge était également un gros connard avec Jérôme, super. Ah oui, oui. Ouais, non, mais avec tout le monde. Et donc Bill va commencer à vraiment enquêter sur le suicide de Sadie, l'infirmière. Et c'est là que Montez, le procureur, va prendre contact avec Hodge pour. Lui dire d'arrêter de cacher les trucs, mais Bill va continuer à cacher les trucs, donc voilà. Ah oui, bah, en même temps, c'est Bill. Hein. Ouais. Jérôme et Hodge, alors que ce dernier lui parle comme un chien pendant deux épisodes. Vraiment, à quoi servent les actions des personnages ? Ouais, bah, parce qu'il y a toute cette sous-intrigue aussi sur Jérôme qui se fait chier en fait, à Harvard. Oui, voilà. En fait, mais c'est tellement pas clair. Moi, au début, je pensais que c'était viré de Harvard, carrément. Tellement moi, c'est pas clair. Au moins qu'il avait pas des bonnes notes, en tout cas. Ouais. Ce qui est plus ou moins le cas, hein, ça reviendra pas beaucoup, mais ce qui est quand même plus ou moins le cas. Ouais. Et pour le coup, on y reviendra, mais je trouve que ça donne lieu à une des rares bonnes scènes où Jérôme dit qu'il se sent pas à sa place à Harvard parce que c'est que bah, des petits blancs bourgeois et que donc il sent tout le poids de la discrimination quand il y va. C'est une des scènes intéressantes qui vient plus tard. Mais bon, ouais. C'est une scène dans toute la série, quoi. Voilà, c'est ça le problème. C'est le retour des apites, j'ai noté. Ouais. Avec aussi Jérôme qui va donc hacker le téléphone de Sadie pour et qui va découvrir des messages où Sadie disait qu'elle avait l'impression qu'il y avait Brady dans sa tête. Ouais. Il y a Lou qui s'est faite quitter, qui psychote de plus en plus à cause du réveil de Brady et qui tabasse un homophobe dans la rue. Ouais. Et qui du coup se fait arrêter à cause de ça. Donc, pour montrer que Lou se contrôle de moins en moins, j'imagine. Ouais. Mais voilà, c'est pas beaucoup plus en un épisode. Hein, c'est pas beaucoup. Ah oui. Ça avance pas des masses, hein, ouais. Vous notez. Prochain épisode, c'est le 5, c'est la moitié de la série. Ah, j'ai noté dans mes notes de l'épisode 4 qui me paraît essentiel, c'est on a Brady qui pisse cette fois. Et effectivement, on a toute une scène où Brady, dans son palais mental, pisse dans un seau. Ah, tout le monde pisse là-dedans. Oui, c'est... La saison 3, c'est peut-être que ça, quoi. Tu vois, la moitié du temps, c'est les personnages qui pissent. Voilà. On arrive donc à l'épisode 5. Ouais. Donc... Le plan de Brady ne se construit que sur des coups de chance, en tombant sur les personnages en bon moment. Il passe donc d'un mec calculateur à un psychopathe qui a le cul bordé de nouilles. Telle est ma note. Ouais, c'est ça. C'est le moment où il est dans le corps de Biblial et comme par hasard, bah, ah, je croise la sœur de Jérôme, ah bah tiens, dis donc, je la connais, ah bah tiens, elle a un zapit, ah bah tiens, c'est marrant. Oh. Ce qui ne va pas du tout resservir, on ne la revoit jamais, Barbara, après ça. Oui, ça ne sert à rien. C'est dans le genre, vous abandonnez vraiment tous vos trucs en cours de route, quoi, les gars. Alors que pour le coup, ça aurait permis d'avoir une implication personnelle des personnages, enfin, je sais pas, mais non, bah, dernière apparition de Barbara dans la série. Ça évoque aussi que la mère de Jérôme s'est suicidée. Oui. Sauf que comme on n'aura pas plus que ça un propos sur le suicide par la suite dans la série, bah, c'est pas tellement important non plus. Là aussi, différence par rapport au roman, parce qu'elle est vivante, hein, dans les romans, la mère. Oui, tout à fait. Les expériences du docteur Babineau continuent, voilà. Oui, avec sa femme. Ouais, c'est ça. L'infirmière se fait choper en essayant de faire des recherches pour Bill. Voilà. il se passe pas grand-chose de plus d'intéressant, hein. Alors, je marque que Frankie est devenue inintéressante. Freddy, tu veux dire ? Freddy, oui, pardon. Ouais. Oui, bah c'est là où il y a la scène devant son miroir, où elle fait une Robert De Niro devant son miroir pour dire tout ce qu'elle a à dire à Brady. Ouais. Elle joue pas mal, mais c'est vrai que c'est pas très intéressant, quoi. Ah, pourquoi j'ai noté ça ? J'ai marqué Brady qui agit comme un gamin en mode nanananer. Pourquoi j'ai marqué ça ? En mode quoi, pardon ? En mode nanananer. Ah, je sais pas particulièrement pourquoi tu l'as noté. J'ai pas dû le noter, ça. C'est là où il va avec le corps de Hal dans la maison de Montez pour casser les trucs pour et tuer son chien. Oui. Ouais, c'est ça. Ça doit être pour ça. Il doit être. On doit avoir une scène dans le palais mental où il est en mode. Gna, gna, gna. Voilà. Ouais. Et après, Montez va être une sorte de proto John Wick à rappeler toutes les 5 minutes qu'on a tué son chien. oui, c'est insupportable. Mais il entre un peu moins dans le côté extrême de John Wick, quoi. Oui, mais par contre, à contrario, John Wick ne répète pas toutes les 10 minutes qu'on a tué son chien. Bah non, vu qu'il parle pas. Voilà. Bah c'est déjà ça au moins. Oui. Il le répète pas. Oui, ça, il est taiseux. C'est vrai que c'est un truc. C'est plutôt une qualité de John, effectivement. Voilà. Putain, épisode 6, j'ai pris qu'une note. Tellement ils n'avaient rien à voir. Ah ouais, moi j'en ai pris plus que ça, mais je pense qu'elles sont pas intéressantes. Hein. Le moment où Brady communique avec Babineau via l'écran aurait pu être bien si pour nous, spectateurs, Brady n'était pas actif depuis le début de la série. Bah oui, oui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Oui, ou alors il faudrait que ce soit mieux géré avec le docteur aussi. Voilà. Oui. C'est le moment où il lui écrit sur le moniteur de sa chambre d'hôpital, où il lui écrit « fuck off ». Faudrait pas que ce soit traité comme comme une révélation, en fait. C'est ça, le problème. Voilà, c'est ça. Ça aurait été bien si la série s'était ouverte sur ça, finalement. Ouais. Alors, moi, ma première phrase, je vais la lire, parce qu'on y vient. Rome, et dès le réveil... Mais dès le rêve où Brady va voir Bill, ça parle de pipi, c'est quoi cet arc narratif ? Du coup, Bill a peur d'être contrôlé par Brady parce qu'il fait le petit train avec sa bite. Voilà. Eh oui ! Si c'est un rêve... Tu peux te réveiller d'une minute à l'autre, auquel cas, si tu veux me demander quelque chose, il va falloir le faire assez rapidement, mon vieux. Vas-y. C'est toi qui as forcé l'infirmière à sauter. Ouh, intéressant comme question. C'est vrai que scientifiquement parlant, c'est pas très logique de pouvoir contrôler d'autres personnes depuis mon lit d'hôpital, n'est-ce pas, mon bon Kermit ? Ça ferait de moi une sorte de dieu. Et ça ferait de toi un bel abruti qui cherche la merde avec le Tout-Puissant. Oh, je suis con, j'avais oublié ta routine matinale. Tu peux pas réfléchir avant d'avoir pissé un coup. Allez, mon gros. Désolé, il faut se lever. C'est l'heure du pipi. Allez, viens. Vas-y, un peu du tien. Tu vas y arriver, allez. C'est l'heure du pipi. Plus vite, mon gros, on a plein de trucs à faire aujourd'hui. Tchou, tchou. Voilà. Allez, fais comme si j'étais pas là. Oh la vache. J'adore parce qu'il a pas honte d'expliquer son cauchemar à sa voisine. J'ai rêvé qu'il me traînait avec une cordelette autour de la bite. Comment ça ? Mais ta gueule ! C'est vrai que moi je l'explique pas à ma voisine, mais je suis pas proche de mes voisins, quoi, tu vois. Oui, enfin bon. Je pense que je vais expliquer ça à mes voisins, je finis en tôle dans la soirée. Ah, et puis il y a cette blague là, tout au long de la série, en plus on l'a pas dit, où ils disent ah mais tu sais qu'on couchera jamais ensemble hein. Oh là là, mais taisez-vous. Taisez-vous. Donc oui, il y a tout le truc où il y a des IRM, des tests qui sont faits à Brady pour constater l'activité cérébrale, pour essayer de pouvoir continuer les expériences, pour le garder dans le service. Et on s'est tellement pas attaché au moindre personnage que ça peut pas marcher, tu vois. Bah oui, t'as le problème. Et les Babino disent qu'il faut Cora Babino dit qu'il faut accélérer les expériences parce que ça. Parce que les vilains investisseurs chinois sont pas contents. Ouais, et que Bill commence à trop enquêter. Et là, pareil, il y a un truc très étrange au niveau du propos de la série, parce que dans la suite, je trouve qu'il y a un propos très bizarre sur Brady et la notion de responsabilité, où ça dit plus ou moins que les criminels, il faut être le plus sévère possible avec eux, et que la justice épargne trop les criminels. On y reviendra sur les deux derniers épisodes, sont très de droite à ce niveau-là. Ouais. Et à côté de là, il y a l'idée des tests chinois dans une prison où le groupe test du médicament avait poussé au suicide tout le groupe placebo. Mais du coup, si c'est le médicament qui est responsable, Brady n'est réellement pas responsable de ce qu'il fait. Si c'est les médicaments qu'on a testés sur lui... Aïe. Du coup, la série se contredit elle-même dans son propre propos. Parce que c'est de la merde. Ouais. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai noté sur cet épisode. Hein. Le reste est encore plus inintéressant que les notes que j'ai déjà lues, donc bon, voilà. Voilà. Bon, l'épisode 7, ça commence vraiment par les vilains investisseurs chinois à l'aide. Ouais, oui, c'est ça. Suivi de toute la séquence de l'opération, c'est d'un naze, putain. Ouais. Moi, j'ai une note. Il est devenu quoi, le kiosque ? Qu'on abandonne des sous-intrigues chiantes en cours de route. C'est vrai que ça fait au moins 2 épisodes qu'on n'a pas une nouvelle du kiosque. C'est vrai, ça. Bill, tout à coup, a des projets d'aller en Irlande avec sa femme. Le retour aux sources. Il y a Biblial qui fait des trucs avec son frère. Parce que Biblial a un frère dans l'adaptation. Je crois que c'est mentionné qu'il en a un aussi dans le roman. Hein, qu'il n'est pas important, mais je crois qu'il existe aussi dans le roman, le frère de Biblial. D'accord. T'as son frère qui le protège, parce qu'il dit que bah oui, il peut pas. Il aime les chiens, donc il leur ferait jamais de mal. Ouais. Il veut partir du coup pour échapper à l'influence de Brady, mais Brady reprend le contrôle au dernier moment et lui fait égorger son frère. Du coup, ça sert à rien d'avoir foutu le frère dans l'adaptation si c'est pour faire ça. Bah, ce sera intéressant encore une fois si ça montrait que Brady a vraiment un contrôle et a vraiment quelqu'un capable de tuer. Mais tout ce qu'il y a à faire après, c'est aller casser un vinyle chez Bill. Alors j'aimerais pas qu'on casse mes vinyles, mais bon. Je me sentirais pas en danger de mort pour autant, tu vois. C'est ça. J'ai noté, donc Brady a l'occasion de tuer Holly via Biblial, mais ne le fait pas. Ouais. D'accord. Holly va recevoir un zapit, mais pareil, ça allait nulle part, cette histoire-là. Ah, j'ai noté, allez, le suspense de savoir chez qui Biblial se trouve et qui il va attaquer est pas trop mal. Oui, je l'ai noté aussi. Et comme quoi, on arrivait encore à être honnête avec la série hein, quand on se concentrait. Voilà. Voilà. J'ai noté 2 notes qui se répondent l'une à l'autre. Une, en fait, qui se déroule au début de l'épisode et une qui se déroule vers la fin de l'épisode. La voisine qui voit Hodge de nouveau avec son ex-femme, c'est censé nous rendre tristes pour elle. Suivi de, du coup plus tard, Hodge qui voit sa voisine avec un autre homme, c'est censé nous rendre tristes pour lui. Ouais, je l'ai noté, dans le deuxième cas, je l'ai noté. Effectivement, bah, vu qu'il recouche avec son ancienne femme, ouais, je vois pas du tout pourquoi on serait censé se sentir concerné par ça. Ah oui, voilà, et puis surtout, ils ont finalement jamais vraiment montré de vrais sentiments purement amoureux l'un l'autre. Hein. T'as l'impression que c'est plus du « vas-y, viens, on s'envoie en l'air ». Ouais, c'est ça. C'était plus une amourette, une dragouille vague, mais en effet, il n'y avait rien de trop prononcé. Voilà. Et mes dernières notes terminent par une explosion de rire, donc de « ah, ah, ah » suivi de « l'explosion dans le palais mental de Brady ». 4 points d'exclamation. C'est fauché, hein. Quand Bill donc abat Al, parce que c'était voilà. Al qui était chez lui. Ça sert. Alors par contre, à la limite, le moment où Biblial fout des droites à Brady à Hodge et où dans le palais mental, c'est Brady qui met des coups de pushing ball sur lesquels il a collé une photo de Bill, c'est plutôt rigolo. Allez. Oui. L'idée est pas trop mal. Oui, l'idée est bien, mais là, ça fait partie des idées qui pour le coup sont sous-exploitées donc. Idem, c'est plutôt intéressant en soi que Brady apprenne que si quelqu'un meurt alors qu'il est dans sa tête, ça puisse le mettre en danger lui. Oui, voilà. C'est juste que c'est pas vraiment exploité. Oui, c'est ça. Bah non, vu qu'après, ça a très vite été abandonné l'idée de prendre le contrôle des autres par Brady. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode 7, après que Biblial est rendu l'âme, après avoir pris une grosse balle dans la caboche. Ouais. Par Hodge. Et donc, épisode 8. Moi, ça commence par une note qui dit « Interminable ce passage à l'hôpital ». Ah ouais, ça dure une éternité. Alors que Bill est pas mourant. Tout le monde qui est au chevet de Bill. Bah non, voilà. Il s'est pris des coups, mais... Voilà, c'est bon. Il est pas du tout mourant, et pourtant, mais ça dure vraiment 10 minutes, quoi. Où t'as tout le monde qui est à son chevet, tout le monde qui se pose des questions. Ils sont dans le même hôpital que Brady, hein, mais t'as personne qui se dit bah, « Et si j'allais voir ce qui se passe dans sa chambre ?» Ouais. Ça n'a vraiment aucun sens, quoi. C'est à la fin de l'épisode qu'ils vont se rendre compte que Brady a disparu, parce que là, il s'est réveillé du coma et il marche. Mais moi, j'aurais été scénariste à ce moment-là. J'aurais été scénariste, ça se passe dans le même hôpital. J'aurais écrit « Bah, Hodge, il est un peu shooté à cause des médocs. Bah, Brady en profite pour prendre possession du corps. » Bah oui, c'est ça que j'aurais fait, moi. Mais ils ont vraiment, à part Hal, ils ont vraiment enlevé hein, la dimension fantastique. Donc, Oui, parce que c'est vrai qu'il prend même pas le corps de Babino. Le père toxique de l'année, tiens. Voilà, oui, c'est là. C'est parce que son fils a commis le crime de faire un plein de courses, et donc c'est une forme d'émasculation, quoi. C'est moi, en fait, mes courses, je me sens castré, quoi. C'est une forme d'émasculation, parce que c'est vraiment le travail du père de nourrir la patrie. Oh, nique ta mère. Oh, pardon. Voilà. Et non, c'est nul, quoi. Globalement, il se passe pas grand chose d'autre dans cet épisode. Hein. Retenez que tous les personnages sont des connards. Hein. On le note pas à chaque fois, mais voilà. Non. Moi, j'ai pris une autre note. Ah ouais. Oli et son pote là. Ça sort d'où, putain. Ah oui. J'en sais rien. Genre, y a pas suffisamment de trucs chiants et mal écrits comme ça. J'ai écrit à ce moment-là. Ouais, non, effectivement. Bon, c'est là. Écoute, c'est cadeau. Et c'est suivi par un super. Il manquait vraiment plus que la danse entre Brady et sa mère dans le palais mental. Oui, il y a Brady qui vit sa petite vie de famille dans son palais mental aussi, effectivement. Voilà. Et qui donc se réveille et sort tranquillou bilou à pied de l'hôpital. Et donc le pote de Holly l'aide à trouver le fonctionnement des apites, je crois. En fait, c'est devenu une burne, Holly, dans cette saison-là. Elle ne sait plus rien faire. Ouais, oui. C'est incroyable. C'est vrai qu'elle fait rien à part attendre comme une secrétaire dans les bureaux de Finders Keepers, ouais. Bah oui, parce que attends, je l'avais noté dans un épisode, tiens, je l'ai pas lu, cette note-là. C'est où ? Ah, bah c'était dans l'épisode d'avant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Holly dans cette adaptation, trois petits points. Ah, c'est vrai qu'elle fait des trucs. Elle sert à rien, la pauvre. Point. Voilà. Ouais. Mais oui, donc épisode 8, bah il se passe vraiment, mais absolument rien, c'est affolant. On en est maintenant. À trois épisodes, en comptant celui-là, en comptant l'épisode 8, on a trois épisodes de la fin, il ne se passe rien. Le truc, c'est que comme Bill lui-même ne sert pas à grand-chose, forcément, les autres encore moins. Voilà. Mais donc, épisode 9, il y a Brady qui interroge le docteur sur les expériences, donc Brady qui s'est réveillé, qui va interroger le docteur sur les expériences dont il a été victime et qui comprend que pour survivre, il doit continuer à recevoir le produit. Oui, mais parce que t'as pas expliqué, mais il s'est levé. Oui, si, je l'ai dit. Ah. Et donc, il doit continuer à recevoir le produit, et donc c'est pour ça qu'il va se faire arrêter. Je comprends plus rien à son plan. Il n'a pas de plan, je t'ai dit. Ouais, non, mais probablement pas, parce que là, le projet, ça va devenir se faire arrêter, avoir un procès, plaider non coupable, parce qu'il plaide la folie et le fait qu'il a changé à cause des médicaments, et que du coup, c'est plus le même homme. Et le regret. Et le regret. Ça passe pas. Enfin, ça passe pas devant un tribunal, c'est pas possible, c'est pas valable. Bah, d'autant plus dans un pays comme les États-Unis, quoi. Bah, c'est là en fait que j'ai un gros problème avec les deux derniers épisodes, c'est que le fond fait très truc de droite qui voudrait critiquer la justice américaine en disant ouais, les criminels, il suffit qu'ils plaident n'importe quoi et ils s'en sortent, justice laxiste, hashtag MAGA. Alors que, bah oui, c'est tout pourri, l'excuse de Brady. Enfin, son excuse, c'est littéralement de dire « j'ai changé ». Voilà. Ça me rappelle, l'intrigue de Batman, The White Man, dessiné et écrit par Sean Murphy. The White Knight, là, c'est du comics. The White Knight. Donc oui. Là, c'est du comics et du coup, ça passe. Oui, c'est ça. Et puis, a priori, le Joker a vraiment changé dans White Knight, en plus. Il y a D'une autre personnalité, et voilà. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, y a tout cet épisode où les personnages sont interrogés, et voilà. Et à la fin, Bill est arrêté, à cause de toutes les bavures qu'il a fait, et... Ah oui, mais moi j'ai noté un Hodge qui devient un détective de Hardboiled, comme ça, sans prévenir. Oui. C'est incroyable. Ouais, ouais. Il y a quand même ce moment où il veut questionner le docteur avec sa chaussette pleine de billes à roulement, quoi. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on n'avait pas mentionné ça, qu'il a torturé le docteur avant, ouais. Et voilà, il y a encore 50 minutes qui sont passées. Ouais. J'ai écrit aussi Brady qui a des désirs sexuels, ça colle tellement pas au personnage, voilà. Bah, il en a normalement, mais envers sa mère, quoi, dans le... Ah voilà, c'est tout, c'est C'est à peu près tout, oui. C'est seulement envers sa mère, mais parce qu'il a un énorme syndrome d'Oedipe. Ouais. Voilà. Donc, le fait qu'il ait du désir pour la femme de Babino, ça ne colle absolument pas, c'est pas possible. Oui. Ou alors ils auraient dû prendre une actrice qui ressemble à l'actrice qui joue sa mère. Ouais, ou alors développer plus le personnage pour que ça colle. Parce que là, effectivement, encore une fois, ça sort de nulle part. Parce que dès le palais mental, je crois que c'est dans l'épisode 2 ou 3, quand on voit Cora pour la première fois, lui, il la voit et il est en mode « Waouh, tu m'avais pas dit que t'avais une grossesse comme ça !» Oui, effectivement, ouais. Mais non, ça colle pas. Ça colle pas avec ce qui était dans la première saison, en effet. J'ai noté « Hodge a la même réaction que moi depuis le début de la série. Ouvrez les guillemets. Quoi ?» Fermez les guillemets. Voilà. Donc à la fin, il est enfermé dans la cellule juste à côté de celle de Brady, parce que c'est ce qu'on fait, évidemment, mais le type... on met les deux types qui ont essayé de s'entretuer dans des cellules côte à côte, ça marche. Oui, ça. Et du coup, bah, Brady provoque Bill, qui finit par essayer de l'étrangler à travers les barreaux, mais dit qu'il s'est étouffé avec un truc et ça passe. Du coup, je comprends pas l'idée de cette scène. On est dans l'épisode 10, c'est bon. Oui, on est dans l'épisode 10, ouais. On est à la conclusion. Ouais. Donc elle est tellement débile, la défense de Brady, voilà ce que j'écris. Ouais, ben bah c'est ça, c'est de dire qu'il est plus Monsieur Mercedes parce que les médicaments l'ont changé. Puis après t'as un long procès. Même nos procès de chaussettes, clin d'œil pour ceux qui ont vu nos lives jeux vidéo avec KXV, Tsum, Florian et toi-même, comprendront. Même nos procès de chaussettes sont mieux menés, quoi. Ah, c'est incroyable. Non, c'est chiant. Et puis encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qui était développé au début de la série. Il n'y a plus les apites, il n'y a plus le contrôle mental, il n'y a plus rien de tout ça. Là-dedans, c'est Brady ne menace plus personne en fait à ce stade-là. Voilà. Et arrive la conclusion de l'arc Brady. Où clairement, il n'y avait pas d'autre idée pour fermer. Hein. Après son témoignage, Lou. Ah, attends, avant que tu dises ça. Il y a eu une scène super importante, on a eu des nouvelles du kiosque, parce qu'on a vu Aïda, Oli, Jérôme et Bill prendre le thé en dessous. C'est vrai, parce qu'il est construit. Le kiosque va bien, voilà. Super, au moins quelque chose qui s'est bien passé dans ce bordel. Et donc Lou quitte la barre, j'allais dire des accusés, non, des témoins. Ouais. Passe à côté de Brady, lui dit un truc de merde en mode « tu ne me feras plus jamais de mal », et sort un flingue qu'elle a fait avec une imprimante 3D et lui tire une balle dans l'œil. Et donc il meurt, voilà. Voilà. Ma note, c'est cette fin pour Brady. Un aveu d'échec des scénaristes qui ne savaient absolument pas où ils allaient avec leurs diverses intrigues péraves. Voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, dans cette saison, Bill, Oli et compagnie n'ont servi à rien. Vraiment, ils ont très vaguement enquêté. Et encore, faut être large avec le terme enquêté. Hein. Oui, parce qu'ils ont, même eux ont quasiment pas d'interaction avec Lou. Ouais, c'est eux qui l'incitent à voir Brady en tête à tête. Oui, voir s'il a changé ou pas. C'est ça pour. Mais ça aurait pu être fait par un autre Brady, oui. Mais du coup, ça aurait pu être fait par un autre personnage. Vraiment, toute la série, tu les retires, toute la série se déroule comme elle se déroule actuellement. Totalement nul. Ouais. Ouais, c'est complètement raté et la série se termine plus ou moins là-dessus. Il y a Bill et Donna qui vont aller rendre visite à leur fille. Et voilà. Super. Et Bill peint sa tortue. Ah oui. Et il peint le smiley de Monsieur Mercedes dans le soleil de sa peinture. Ouais. Et là, j'ai bien aimé, à la limite, le petit clin d'œil et le petit renvoi au début de Monsieur Mercedes où t'as le camion de glace qui passe. Voilà. Oui. Oui. À la rigueur. Et la dernière note que j'ai mise, c'est on n'a pas revu Barbara depuis qu'elle a reçu sa tablette et été stalkée par Hal. Effectivement. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est... Les problèmes d'argent du père de Jérôme sont pas arrangés. Mais après, il y a une saison 3. Ah ah ! Oui, non, mais enfin bon, c'est les problèmes d'argent. On n'a peut-être pas besoin d'étaler ça sur 10 saisons. Ah ah oh. Tu sous-estimes les scénaristes non, de la télévision américaine. Je suis persuadé qu'on en reparlera dans la saison 3. De toute façon, le bouquin est encore moins dense. Donc, ils vont bien le voir. On vient de voir remplir. Effectivement. Hein. Voilà, c'était très dur. Hein. Vraiment, C'était immonde, hein. C'était de la merde. Ouais. Putain. Voilà. Mais bon. Et oui, comme on dit, c'est pas très bien filmé pour ce. Bah, c'est filmé façon téléfilm. C'est pas très. La musique est nulle et du coup, c'est pas très bien joué. Mais vu que c'est mal écrit et que c'est des scènes qui s'éternisent. Malheureusement, par contre, tous les soucis techniques évoqués pour la première saison sont toujours présents dans la deuxième. Ouais, voilà, c'est vraiment pas une série qui a un standing particulier. Hein. Voilà, c'est tourné à la zob, c'est éclairé à la bougie. C'est de la merde. Bon. Voilà. Bon, on va passer à une scène, hein, je suppose. Il y a beaucoup de pipi. Ouais, il y a beaucoup de pipi, ouais. On va pas prendre une scène où des gens font pipi, peut-être. Mais on va passer à une scène. Beaucoup de pipi et de tortues qui mangent. Ouais. Il n'y a pas de tortues qui se font pisser dessus, on va dire que c'est déjà ça. Une tortue terrestre, hein, il faut le préciser, parce que c'est précisé 10 000 fois dans la série aussi. Oui. Ah bah, ça remplit du temps. Hein. Voilà. Une scène, donc. Ouais. Très bien, nous allons prendre, forcément il n'y a pas tant de scènes identiques, hein, donc entre la série et le roman, comme on l'a plus ou moins annoncé, donc on va prendre une scène qui va montrer une grosse différence, à savoir dans le roman, la première apparition de Barbara Robinson qui est manipulée par Brady, et qui donc se retrouve dans un quartier pauvre à population très majoritairement afro-américaine, et où elle culpabilise. Tandis que dans la série, je vous redirai le moment venu. Dans le roman, nous sommes dans la deuxième partie, Blackish, dans le chapitre 6 de cette dernière. Nous allons donc lire la version Le Livre de Poche de Fin de Ronde, édition traduite de l'anglais par Océane Bier et Nadine Gracier. Hey, Blackish ! Le cri vient de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce que tu fous là ? T'as rien à foutre ici ? Blackish. C'est le nom d'une série télé. Il la regarde à la maison et il rigole. Mais c'est aussi ce qu'elle est. Pas vraiment noire. Une noire vivant une vie de blanche dans un quartier blanc. Si elle peut vivre comme ça, c'est parce que ses parents gagnent beaucoup d'argent et sont propriétaires d'une maison dans un quartier où les gens sont si parfaitement dénués de préjugés que leurs poils se hérissent s'ils entendent un de leurs gosses en traiter un autre de débile mental. Elle peut vivre cette merveilleuse vie de blanche parce qu'elle est une menace pour personne. C'est pas une révoltée. Elle fait sa vie, papotant de garçons et de musique avec ses copines, de garçons et de fringues, de garçons et de programmes télé, et de quelles filles elles ont vues avec quels garçons au centre commercial de Birch Hill. Elle est blackish, autrement dit inutile, et elle ne mérite pas de vivre. Peut-être que tu devrais juste en finir, que ton geste soit ton manifeste. Cette idée est une voix, et elle s'impose avec une sorte de logique, comme une révélation. Emily Dickinson avait dit que son poème était sa « lettre au monde » qui ne lui a jamais écrite. Il l'avait lu en cours, mais Barbara n'a jamais écrit aucune lettre. Plein de rédactions débiles, de comptes rendus de livres et d'emails, mais rien qui compte vraiment. Peut-être qu'il serait temps que tu le fasses. Pas sa voix à elle, mais la voix d'un ami. Elle s'arrête devant une boutique de voyance et de tarot. Dans la vitrine sale, elle croit apercevoir le reflet de quelqu'un, debout, à côté d'elle. Un homme blanc, au visage de petit garçon, souriant avec une masse de cheveux blonds, lui tombant sur le front. Elle jette un coup d'œil autour d'elle, mais il n'y a personne. C'était juste son imagination. Elle reporte son attention sur l'écran de son jeu vidéo, à l'ombre du store de la boutique de cartomancie. Les poissons ont retrouvé leurs couleurs vives et leurs contours nets. Ils vont et ils viennent, oblitérés, de temps à autre par un flash de lumière bleue étincelante. Barbara tourne la tête et voit un pick-up noir rutilant arriver à vive allure sur le boulevard en zigzagant d'une voie à l'autre. C'est le genre de pick-up avec des pneus surdimensionnés que les garçons au lycée appellent Bigfoot ou Gros Gangsta. Si tu as l'intention de le faire, tu ferais mieux de te dépêcher. C'est comme s'il y avait réellement quelqu'un à côté d'elle, quelqu'un qui la comprend, et la voix a raison. Barbara n'a jamais envisagé le suicide auparavant, mais à cet instant, c'est une idée qui lui semble parfaitement rationnelle. « Tu n'as même pas besoin de laisser de mots, » lui dit son amie. Elle aperçoit de nouveau son reflet dans la vitrine. « Spectral. Que tu l'aies fait ici sera ta lettre au monde. »« Vrai. » À présent, tu en sais trop sur toi-même pour continuer à vivre, lui fait remarquer son ami alors que son regard retourne au poisson nageant sur l'écran. Tu en sais trop et c'est pas beau. Puis la voix se dépêche d'ajouter. Ce qui ne veut pas dire que tu sois horrible. Non, pas horrible, juste inutile. Blackish. Le pick-up approche, le gros gangsta, alors que la sœur de Jérôme Robinson s'avance vers le bord du trottoir, prête à la rencontre. Son visage s'éclaire d'un sourire ardent. Voilà, et j'ai l'habitude de vous dire la même scène dans l'adaptation, mais c'est plutôt dans l'adaptation, la dernière apparition de Barbara. La première et dernière ? Non, elle est déjà apparue une fois rapidement avec son frère. Et je crois qu'en plus, c'est même pas la dernière. On en revient après. Ouais, bon, allez, Barbara, c'est bon. Ça a exactement le même goût que mes céréales à la cannelle. T'es sûr qu'il n'y a aucune calorie dans les e-liquides ? On pourrait faire un truc, bouger. Poufias, attends, je n'étais jamais allée aussi loin. Tu m'avais pas dit que ton mec avait une caisse aussi classe. Regarde-le. Oh, Barbara. J'en reviens pas. Qu'est-ce que t'as grandi ? Bah, il est trop chelou. Voilà. Bah Barbara qui a une tablette, c'est le point commun. Et il me semble qu'elle apparaît plus tard dans la série, où à un moment t'as Jérôme qui fait un truc et genre il lui fait une réflexion sur le fait qu'elle sorte ou je sais plus quoi. Je crois que ça apparaît bien plus tard. Ah ouais, moi j'ai souvenir que c'était dans le premier épisode ça. Ah quoique, oh je sais plus, c'est de la merde de toute façon. Ouais, oui, il lui fait une réflexion de beauf, ouais. Mais donc voilà, si on a choisi cette scène, c'est pour montrer l'occasion manquée. Ouais, et que veut dire de plus ? L'occasion manquée et le fait que ils ont le personnage, ils ont le fait qu'elle est un zapit. Comment ils font pour ne pas connecter tout ça, quoi ? C'est à quel moment t'en profites pas ? Je comprends pas en termes d'écriture. Ils n'ont pas pris en compte les pouvoirs mentaux de Brady. Voilà. Oui, mais dans ce cas-là, mettez pas du tout Barbara et mettez pas du tout les tablettes. Voilà, c'est ça. Ça ne sert à rien. Ouais, voilà, c'est... On n'est pas obligé d'avoir un personnage qui apparaît dans 2-3 scènes et qui est évacué comme ça, quoi. C'est soit ça, soit l'acquisition des droits stipule que tu dois foutre les personnages et les apites et ainsi de suite. Ouais, mais je pense pas. Une acquisition des droits, ça précise pas ce que tu dois mettre ou non de l'intrigue. Logiquement, non, mais... Moi, j'essaie de trouver des explications. Ouais, non, ils sont nuls. Qu'est-ce que l'explication. Soit rationnel ou pas, c'est pas mon problème. Série fait par des branleurs. Non mais voilà, c'est de la merde. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Non, on a parlé du roman, t'inquiète. Ça fait une heure et demie qu'on doit parler d'un truc de merde. C'est vrai. Et on va pouvoir le classer, ce truc de merde. Ça va. Le moment que vous attendez tous. Comme d'habitude, nous en sommes arrivés au classement. Comme d'habitude, je vais m'occuper du classement des livres écrits, c'est-à-dire nouvelles et romans, tandis que mon camarade Issam va s'occuper des adaptations films et séries télé. Aux 5 premières places du classement des livres, enfin des écrits, nous avons Sacdos, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de lycée, tandis qu'aux 5 dernières places, nous avons L'année du Loup-Garou, Dr. Sleep, Le Cinquième Quart, Grand Chauffeur et les Tommyknockers. Et je n'ai pas évoqué que le classement roman écrit compte actuellement 67 places. Voilà. Où placer fin de ronde nous parlons bien du roman, attention. Déjà, où est placé Monsieur Mercedes ? Déjà, c'est la question. Vu que fin de ronde, on est d'accord, est tout de même moins bon que Monsieur Mercedes, mais parce que on perd le côté nouveauté, personnage, découverte et tout. Bah du coup, Monsieur Mercedes est 21e. Et 21e, effectivement. Alors, bah écoute, franchement, j'aime beaucoup Jessie, la conclusion de Jessie me dérange. Et je pense que je préférerais relire Fin de Ronde plutôt que Jessie. Je peux comprendre. Moi, je les mettrais à peu près à égalité, mais je peux comprendre. Jessie et Fin de Ronde ? Oui, justement parce que la fin de Fin de Ronde est plus réussie, mais peut-être que dans le développement, je préfère un peu Jessie, tu vois. Donc au final, ça fait qu'ils arrivent à peu près à égalité. Mais si tu veux le mettre au-dessus de Jessie, ça me va comme place. Hein. Non, moi, parce que après, le développement du personnage de Jessie, qui est quand même un personnage féminin plutôt bien écrit et fort, malgré la fin, fait que ça ne me dérange pas de mettre Fin de Ronde entre Jessie et Carrie. Ouais, bah faisons ça alors. Donc le nouveau 23e. Ouais. Mais c'était quasiment sûr que Fin de Ronde n'allait pas atterrir bien loin de Monsieur Mercedes. Oui, parce qu'ils sont quand même très proches niveau qualité, ouais. Et le classement des films, pour le coup, lui compte 106 places pour le moment, avec aux 5 premières Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières Children of the Corn Genesis de Joel Soissons, The Mangler Reborn d'Eric Gardner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Mon Roman et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Je me suis chié dessus rien qu'à l'évocation de ce film. il faut revenir à des trucs un peu bruts de décoffrage. Voilà. Parce qu'il y aura peut-être une chanson, mais ailleurs, dans cet épisode-là. C'est pas moi qui décide où elle sera. Et ça va aller bas, parce que... Tu vois, là, je tombe sur Contretemps, et pour moi, on est sur le même niveau que Contretemps. Ouais, au moins. Enfin, on est sur un truc aussi nul que Contretemps, quoi. Ah oui, c'est tout aussi chiant, quoi. Ouais. C'est tout aussi chiant, et même limite Contretemps à l'excuse de l'époque à laquelle ça a été fait pour lui, quoi. Ouais. Le budget des séries télé était moindre à l'époque de Contretemps. Oui, c'est ça, ouais. Et à la limite, Contretemps a pour lui que au moins c'est une œuvre originale, quoi. Il n'y a pas de matériel de base. T'as pas un matériel à adapter vraiment, et donc tu chies pas dans la colle. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais je suis assez d'accord. Et puis même Contretemps, c'est plus court au final. Ah oui, en plus. The Mist, par contre, non, parce qu'il a toujours sa fin qui fait que ça le descend à mort. Voilà. Mais oui, pour moi, en dessous de Contretemps, ça me va très bien. Ouais. Donc, Monsieur Mercedes, la saison 2, prend la nouvelle 100e place entre Contretemps et The Mist, la version série télé de Christian Thorpe, hein, pas le film de Darabont, qui est beaucoup plus haut. Donc, c'est pas flop 5, mais c'est flop 10. Hein. C'est vraiment pas bien. Ah oui, c'est vraiment pas bien, oui. Gaka. Ouais. À l'aide. Voilà, bah c'est tout pour cet épisode. Ah oui, c'était déjà pas mal. Ah, c'était déjà pas mal. Hein. Vraiment, on a souffert en le préparant celui-là. oui. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour parler d'un truc au moins heureusement beaucoup plus court, puisqu'il s'agit de la nouvelle Le doigt télescopique, et de son adaptation dans la série Monsters, The Moving Fingers. Ça n'a jamais été traduit en français. Donc, on se retrouve pour parler de ça. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi sur Blue Sky et @ChrisTheLostTales sur Blue Sky également pour moi. Ouais, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, on met tous les liens dans la description, et je fais des vidéos YouTube consacrées au cinéma asiatique. Il y en a une grosse en préparation. Voilà. Ah bon ? Ouais, je te l'apprends. Et on vous dit à dans 2 semaines, et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut ! Salut ! ouvert 7 jours sur 7, sauf les jours fériés, parce qu'on emmerde Bayrou.